Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la rubrique Geek spécial Corona Geekery, spécial confinement, spécial coronavirus. On va pas se laisser emmerder pendant des années par cette saloperie de virus. Nous allons combattre cette saleté avec la joie et la bonne humeur traditionnelle qui nous caractérise, avec une soirée, un cinquième round avec des invités exceptionnels. Mais comme d'habitude, pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi l'inimitable Spider-Matt. Salut. Et celui que Jules, qui a fait notre petite miniature, a transformé en Rocket Dramout. Dramout, comment vas-tu ? Ça va. Putain, mais comme t'es beau en Rocket Dramout. Oh là là là là là là là là. J'ai envie de te faire un câlin, t'es ma petite peluche à moi. Et donc, du coup, évidemment, nous avons deux invités ce soir. Nous avons Vanessa des GG Comics. Comment vas-tu, Vanessa ? Hello, ça va, merci. Et nous avons également SN Parod de lescomics.fr, de DGG Comics, de la chaîne SN Parod, de La République En Marche, de... Je suis pas sûr pour ça, là. Pas encore. Tu es de partout, et c'est un véritable plaisir. Comment vas-tu, SN ? Eh bien, ça va super, merci bien, et je suis content d'être là. Eh ben, vaut mieux, parce que vu que t'es invité, si ça te faisait chier, ben, on serait quand même assez mal à l'aise, on va pas se mentir. Et, ouais, non, c'est de la merde, je vais... Évidemment, on est juste venu espionner, en fait. Bah, toujours. Ouais, espionnage industriel. Alors, techniquement, il n'y a pas besoin de participer. Il faut, hein, il faut espionner les meilleurs. Mais bah, si, on voulait voir un peu les coulisses. C'est pour ça qu'on vous a copié, en fait. Voilà, tout simplement. Ils ont vu les coulisses, ils se sont dit, putain, il n'y a rien à piquer, en fait. C'est un peu ça, ouais. Vous avez pu le constater par vous-même, c'est monté avec deux ficelles et deux tailles crayon. Enfin, c'est ridicule, hein, mais bon, on s'amuse bien, et c'est le principal. Avant de commencer, ben voilà, on va remercier vraiment chaleureusement Jules, et avoir une petite pensée amicale pour lui, parce qu'il nous a encore fait une miniature absolument grandiose. Hein, Guardians of Geekries, vraiment... Où s'arrêtera le talent de Jules, vraiment, ça je suis à chaque fois étonné. Et on passe un grand bonjour au chat, vous êtes encore bien nombreux, ça fait super plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et voilà, je sais pas, est-ce que vous avez une petite actualité à partager avec nous? Je crois que vous avez fait un ou plusieurs podcasts récemment, là, du côté des GG Comics. C'est l'instant promo, allez-y, faites-vous plaisir. Merci. Donc... du côté des GG, on a essayé de lancer une nouvelle émission qui s'appelle Pal Rider, en fait, qui est le principe, en fait, c'est que plusieurs personnes viennent, on a chacun notre pile à lire, la pale, et en gros, on doit parler d'un livre qu'on a lu, et après, les autres doivent nous conseiller des livres dans notre pale. D'accord. Pour qu'on puisse savoir par où attaquer par la suite. Après, sinon, bah, personnellement, je sors des vidéos régulièrement. Tout à fait. Et une dernière sur... Spider-Man et les bracelets électroniques. C'est ça. Que j'ai pas eu le temps de voir et je m'en excuse. Par contre, j'ai vu celle d'avant sur ton premier comics Batman et c'était super bien. Ouais. Voilà. Merci. J'ai bien aimé le ouais. Ouais, je sais. C'était super bien. Ouais, c'est un peu ça. Écoute, au bout d'un moment, écoute. Je suis conscient de la qualité de mon travail, effectivement. Alors, si vous ne connaissez pas la chaîne des scènes parodes et les GG Comics, bah, évidemment, c'est des incontournables du comics game. Si tant est qu'il y ait un comics game, même si j'ai horreur de cette expression, mais en tout cas, voilà, ouais, non, des gens ouais, bien ouais. Et des super conseils. Donc voilà, n'hésitez pas, il faut les suivre absolument. Et bah, si vous êtes d'accord, on va pouvoir commencer notre petit tour de geekery. Et c'est et toi. Si on n'est pas d'accord, et ben t'es d'accord quand même. Nous ne sommes pas en démocratie. Non, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des principes républicains. C'est-à-dire que je fais comme Emmanuel Macron. Je donne l'illusion d'une certaine démocratie. Mais à la fin, c'est moi qui décide. Hein. D'accord. On va faire comme je veux. Hein. D'accord. Ok. Et donc, du coup. Bonne ambiance. Vas-y, Vanessa, je t'en prie. Non, rien. Je disais bonne ambiance. Ah, c'est comme ça, généralement, c'est un petit fion comme ça, bien calé. Hein. Et donc, c'est toi, mon cher Dramout, qui ouvre le bal, et tu vas nous parler de Le Retour à la Terre. Tu dis vrai. Donc, qu'est-ce que Le Retour à la Terre ? Le Retour à la Terre, c'est une bande dessinée, écrite par Jean-Yves Ferry et dessinée par Manu Larcenet. Donc, deux gros noms de la bande dessinée. Et c'est une série qui a plus de qui doit avoir plus de 15 ans. Le premier tome est sorti il y a 15 ans et dont ils ont sorti un sixième tome l'année dernière, 10 ans après le cinquième. Et c'est une BD assez sympathique. Alors, qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est Jean-Yves Ferry qui raconte la vie de Manu Larcenet, dessiné par Manu Larcenet. Donc, c'est assez sympa. On suit en fait Manu Larcenet qui quitte Juvisy, qui est une bourgade de la banlieue parisienne, et qui va s'installer en fait à la campagne. Et on suit un peu son quotidien sur comment il est passé de la, comment dire, passé de la ville à la campagne, et tout le changement que ça fait sur le voisinage, le fait que ce soit une petite ville, qu'il n'y ait pas grand-chose, pas de commerce, que tous les voisins, on sait un peu tout, les clichés un peu des campagnards, quoi. Et en fait, j'ai choisi ce titre parce que c'est un récit qui est tourné. Donc, c'est des moments un peu tranches de vie. Donc, on suit l'évolution et c'est coupé en fait par gag. Donc, c'est-à-dire en fait, il y a deux gags par page. Chaque demi-page est un gag. Et du coup, ça fait un bon petit moment d'évasion. C'est assez simpliste. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas d'intrigue ou quoi que ce soit. Hein. C'est du récit. Comment dire, découpé, hein, comme par exemple quand vous lisez un Titeuf ou quoi que ce soit, où c'est une page, un gag, etc. Et c'est vraiment c'est un bon bol d'air frais parce que c'est un récit assez touchant, qui est assez drôle. Finalement, on suit un peu un Manu Larcenet, comment dire, un peu autobiographique, même si c'est pas lui qui raconte. Et en plus, alors, les gens qui connaissent Manu Larcenet dans le monde de la BD, donc maintenant c'est devenu un très très grand nom. Mais c'est quelqu'un qui avait un univers ultra spécial, qui est assez assez sombre, assez glauque. Enfin, ça part un peu toujours dans tous les sens, etc. Et du coup, ça fait assez sympa de voir ça, de voir ce petit moment, de voir une personne qui se met un peu à nu entre guillemets dans une BD et qui se met du coup à nu au service en fait d'un autre scénariste. Et voilà, c'est ce que ça raconte, c'est assez bête, hein. Ça raconte comment dire, le quotidien avec les voisins, l'appréhension par exemple d'être papa, les élections municipales dans une petite ville de 20 habitants, comment on doit s'évader un peu de par rapport à quand on avait tout à dispo en région parisienne et comment on appréhende tout ça. Enfin, c'est des choses assez assez simples, mais finalement qui sont assez, qui sont, comme je dis, tranches de vie et qui sont assez plaisantes. Et en période de confinement, je trouve que ça fait un bon bol d'air frais. Eh bien, merci. Est-ce que quelqu'un a lu cette bande dessinée ou a envie de réagir au propos de Dramout? Et voilà. Alors, je ne l'ai pas lu, pas du tout. J'ai plein de choses de Manu Larcenet, mais pas ça. Mais ça a l'air super intéressant. On a trouvé la BD que SN Parode a pas lu. Et comme ça, en fait, les 6 tomes, moi j'ai eu les 6 tomes parce qu'en fait, les 6 tomes sont dispo dans l'abonnement Isneo. Ah, d'accord. Oh, c'est cool ça. Ah, oui, c'est un bon plan. Bah oui, parce que du coup, ça faisait. Enfin, comment dire? Moi, je me suis abonné il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, donc en plus, je suis encore dans le mois gratuit. Et j'ai vu qu'ils étaient dedans. Et c'est. Moi, je suis. Enfin, j'ai un peu du mal des fois avec Manu Arsenet parce que. Enfin, je sais pas ce que tu as lu de Manu Arsenet du coup, SN, mais il y a certains de ses titres qui sont très. C'est un univers très spécial où des fois, ça part. J'ai l'impression que ça. Il part dans des délires qui sont un peu durs à suivre. Enfin, pas forcément durs à suivre, mais qui sont. Faut s'accrocher, quoi, parce que le mec, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Donc, tu peux être complètement paumé, mais en même temps, comment dire, c'est, enfin, on le voit sous un autre jour, donc c'est ça qui est très plaisant, quoi. Parce que ça reste, voilà, ça reste quelqu'un de passionnant, à écouter. Il a même fait, pour les gens qui suivent les vidéos à la Combini Brut, etc. Il est passé sur une de ces chaînes-là entre guillemets sur Facebook. Alors, je sais plus lequel. Où il y a une sorte de petite interview, où ils font une petite interview au dessin, ils avaient fait avec Olivier Coipel avant, etc. Et il est passionnant à écouter, donc c'est ça qui est assez sympa. Alors que, par contre, quand on regarde ses BD, on se dit, mais le mec, ce mec, c'est un psychopathe. Mais voilà. Eh ben, je connais pas du tout. Le scénariste? Ben, ouais, ça me dit rien du tout, ni l'un ni l'autre, ni la BD. J'ai peut-être lu d'un truc d'eux, mais je suis pas certain. Hein. Blast, ça te dit rien, par exemple? De nom, mais j'ai jamais lu. Ouais. Mais Larsenet, c'est le dessinateur ou le scénariste? Là, c'est ça, le dessinateur. Dépend. Ça, ça dépend des fois. Ah d'accord, il fait les deux. Ouais, mais il est très souvent tout seul, en fait. D'habitude, oui. Il est très souvent scénariste et dessinateur. Et il a sorti une BD, du coup, en début d'année 2020, qui est la meilleure vente de 2020 pour le moment, qui est Thérapie de groupe, ou un truc comme ça, je crois, ou Théorie de groupe, un truc comme ça, chez Dargaud. Et voilà, en fait, c'est... Thérapie, je crois, mais j'ai pas encore lu. Il me semble que c'est Thérapie de groupe, mais je suis pas certain. Mais ouais, pour le moment, c'est plutôt une bonne réussite, parce que je crois que de toute façon, c'est la meilleure vente de 2020. Bon, après, il n'y a pas eu beaucoup de temps. C'est pas forcément compliqué. Non, mais ça fait le truc. Mais après, c'est ouais, quand il sort un titre, c'est toujours un peu événementiel, quoi. Moi, je sais que, enfin, comment dire, Thérapie groupe, du coup, dit pardon, Aurélien sur le chat. Et je sais que, comment dire, c'est toujours Dargaud le met toujours vachement en avant, parce qu'il est quand même devenu assez incontournable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça reste un personnage, en fait, comme mec. C'est-à-dire que, après, ouais. Il peut faire des trucs très très très différents, vraiment. C'est-à-dire que tu vas avoir Blast, qui est quand même un truc un peu plus sérieux et un peu plus, je sais pas, ouais, vraiment sérieux. Et à côté, il peut faire une série qui s'appelle Une aventure rocambolesque, où vraiment ça part limite en parodie. Voilà, moi je me souviens vraiment d'une aventure rocambolesque. À chaque fois, c'est un personnage différent. Je me souviens du troisième, c'est sur Attila, qui en fait Attila a en gros tout conquéri, il lui reste plus qu'un seul endroit, il arrive en boss. Et donc du coup, il se rend compte à quel point c'est la merde. Et donc du coup, mais attends, j'ai fait tout ça pour ça, maintenant je ressens un vide dans ma vie, et en fait, à la fin, ça va devenir, en fait, enfin, il va aller attaquer Dieu et tout ça, enfin bref, ça part très vite dans le délire. Eh ben écoute, à l'occasion, je regarderai peut-être un truc, mais alors vraiment à l'occasion, parce que c'est pas comme si j'avais rien à lire, on va pas se mentir. Eh bien, merci. Eh bien, du coup, Vanessa, ça va être ton tour. Et des fois, dans la rubrique geek, on a des élans du cœur. Et là, tu vas nous faire partager un élan du cœur pour le travail entier et complet d'Alexandre Astier. Donc, nous allons commencer cette conférence qui va durer environ 4h30. Non. vas-y, je t'en prie. Tu voulais nous parler de ce monsieur. Ouais. Bah, comme tu sais, moi, tu m'as demandé trois de geekeries. Ça a été direct, quoi. Le choix facile... Pas d'hésitation. Pas de changement. Non, moi, voilà, c'était structuré. J'ai dit ça. Bref. Mais plus sérieusement, non, j'ai cherché. Hein, j'étais fouillée dans ma DVD tech. J'ai hésité. Puis là, je suis tombée sur mon intégrale des Kaamelott. Et je fais, non, mais c'est lui. C'est un de mes dieux avec Chabat, français. C'est Astier. Et voilà, c'est ma déclaration d'amour, Alexandre, si tu nous écoutes. Il y a peu de chance, on va pas se mentir, mais effectivement... Je sais pas. Oh, ça peut se tenter. Voilà, on ne sait jamais. Et non, mais voilà, moi, Alexandre Astier, c'est quelqu'un que j'ai découvert, bah, comme beaucoup, hein, je pense, par Kaamelott, sur M6. Oui, bah, yeah. Je pense que oui, comme beaucoup. Et voilà, sauf ceux qui sont vraiment, je crois que c'est les Lyonnais. Hein, ouais, c'est les Lyonnais, ouais. Voilà, ouais. Donc peut-être que les Lyonnais le connaissaient comme ça, déjà avant sur scène. Moi, je l'ai vu arriver comme ça, sur ces petites pastilles, quand Kaamelott est arrivé juste après, pour remplacer Caméra Café à l'époque, il me semble. C'est ça. Donc c'était on est en quelle année? Bah, il y a 15... Putain, il y a 15 ans. Ouais, longtemps déjà. 2005, 15 ans déjà. Sa calvitie peut en témoigner, c'était il y a longtemps. Et je suis tombée sur ces petites pastilles de 3 minutes qui sont après se sont rallongées en 6 et puis encore en plus. Et puis bah, moi, c'était l'ovni qui arrivait comme ça, la légende arthurienne, mais tellement n'importe comment, avec toute cette galerie de personnages tout autour. Et là, j'étais tombée amoureuse, quoi. Il n'y a pas. Avec toute la famille. Hein. Donc, du coup, après, j'ai découvert beaucoup plus tard Hirocorp avec son frère. Pareil, là, le début, j'ai plus eu du mal avec Hirocorp à la fin. Je ne sais même pas si je l'ai fini, d'ailleurs. Moi, je ne l'ai pas fini, c'est sûr. Faut que je vérifie, je suis même pas si sûr de l'avoir fini. La dernière saison, j'ai eu du mal. Faudrait que j'y retourne, je crois qu'elle est encore sur Netflix. Au début, j'ai adoré les Captain Shampoing et compagnie, mais j'en pouvais plus quand j'avais vu ça dès le départ. Et puis après, bah, y a eu les Astérix aussi. Quand il a repris les deux dessins animés. Et donc voilà, moi, c'est un gars, franchement, mais c'est admiration, quoi. Je ne savais pas qu'on pouvait réussir à tout faire et réussir dans tout ce qu'on fait. Et tu mais... as déjà vu son exoconférence? Ah, en entier non plus, j'avoue. Et bah, c'était long. Ou Que ma joie demeure. Ouais. Qui est... Oh. Ouais, c'est alors ça, il faut que je la regarde en entier. Pareil, je l'avais commencé, je l'ai mis en pause parce que ça durait longtemps, mais c'est que maintenant que j'y pense, là, c'est les vacances. Peut-être pouvoir me le refaire, je pense qu'on doit le trouver assez facilement. Bah ouais, c'est... Puis même, tu tombes sur des interviews de lui, tu l'écoutes. Là, j'en avais entendu une il n'y a pas très longtemps, qui avait retourné sur Facebook, où tu le voyais parler de la société et tout, comme quoi c'était l'humain, en fait, quasiment, le véritable microbe, etc. Et juste, tu l'écoutes. Et tu peux que être d'accord. Moi, ce que j'aime beaucoup, tu vois, avec lui, au-delà de la personne, de ce qu'il dégage, c'est que tu as vraiment des artistes qui sont... il y en a qui vont être spécialisés, on va dire, dans un domaine. Et ben lui, il est compositeur, et c'est pas un petit compositeur, c'est un putain de compositeur. Donc, il est musicien, il arrive à diriger un orchestre, il peut faire Kaamelott, il peut, dans Kaamelott, s'autoriser des digressions et des dérives, commencer par des petites pastilles rigolotes pour succéder à Caméra Café, et ensuite rentrer un petit peu plus en profondeur et dans quelque chose où il va revisiter la légende arthurienne, mais pour y apporter aussi ce que lui, il a envie. Il peut faire du théâtre, il va parler donc, eh ben, avec l'exoconférence de l'univers, des galaxies, des extraterrestres, des etc. etc., etc. Le mec, c'est un artiste, mais plus que complet, et vraiment bienveillant. Tu vois, dans l'exoconférence, moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est... Bon, il y a l'exoconférence qui était géniale, mais sur le DVD, il y avait aussi tout un tas d'interviews qu'elle avait fait, d'entretiens avec des chercheurs, des spécialistes, pour parler de ça. Et ce mec, il a une curiosité, une soif d'apprendre qui est insatiable. Et voilà, enfin, pour moi, c'est... il n'y en a pas beaucoup, je pense, par siècle et sur la planète complète, des génies de cet ordre-là. Et on en a un, il est chez nous. Voilà. Et ben, merci. Et on va essayer de se le mettre au chaud, de le garder pendant un bon moment. Voilà, puis tu sens que c'est un gars qui a... Enfin, t'as pas l'impression plus qu'il a pris la grosse tête ou quoi. Je sais plus à quelle occasion il y a eu un événement. Je me demande si c'était pas une séance de dédicace qu'il faisait. Et je me souviens que j'avais convoyé la file d'attente. Ils n'avaient pas calculé qu'il y aurait autant de monde. C'était à Lyon, je crois. C'était à Lyon, hein, je crois. Et le gars était sorti dans la rue pour aller voir les gens, s'excuser qu'il y avait du retard, serrer des mains. Il était resté, mais je crois qu'il n'avait pas pris de pause de repas. Il était resté super tard. Enfin, il n'avait pas du tout diva. Et tu t'es dit, waouh. Ouais, et puis du coup, il y avait une règle qu'il avait posée, c'était, il avait dit qu'il arrêtait les dédicaces au premier qui lui demandait à quand Kaamelott le film. Et en fait, c'est le tout dernier de la file qui a posé la question. Et j'espère qu'il sortira à temps, du coup, avec tout ça, m'empêche ce film. Bah, il a été avancé, donc... Il y a des chances qu'il soit reculé, du coup. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de films qui ont été reculés, parce que là, c'était le mois de juillet, normalement, il était prévu pour le mois de juillet. Mais là, je pense que le seul truc vraiment qui, je pense, peut pas être fait de chez soi, c'est l'enregistrement de la musique. Et parce que du coup, c'était censé être fait par un orchestre. Et je pense que c'est le seul truc qui pourrait bloquer si la musique est pas enregistrée. Ouais, mais bon, parce que sinon, après, le reste, la post-prod et tout ça, ça peut se gérer, même confiné, quoi. Au-delà de ça, parce que bah, pour la distribution, voilà, faut que ça sorte dans les cinémas. Ça aussi, oui. Mais là, il y a... Si on veut la suite, il va falloir que ça engrange quand même du pognon. Hein. Clairement. Mais il y a des... j'ai l'impression... Même en France, c'est en train de faire des dérogations pour que les trucs sortent plus vite et tout ça. Genre, par exemple, j'ai vu qu'ils allaient... Les VOD, j'ai vu que ça allait sortir plus tôt, Coup. Là, ils ont il y a vraiment peu de temps, il y a eu un truc comme quoi Birds of Prey allait sortir plus tôt en DVD et tout ça. Enfin, Sonic aussi. Oui. Non, mais je veux dire, du coup, là, t'as vraiment le. Parce que c'est des problèmes de droit français là-dessus. Donc, déjà là-dessus, ça avance un petit peu, quoi. Alors, du coup, on a Jules qui nous dit il n'a pas pu enregistrer la musique du film prévu fin mars. Et Hein, d'accord. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Et il a oublié la BD d'ailleurs aussi, en fait. Oui, il y a un tome qui est sorti il y a très peu longtemps. Ouais, il y a plusieurs tomes de BD. Oui, il est scénariste de la BD. Je sais pas s'il dessine, tiens. Non, il dessine. Non, il est que scénariste. Ah, quand même, on a trouvé un truc qu'il faisait pas, quoi. À ce qui paraît, c'est pas faire la béchamel non plus, mais bon, après, on va pas. Enfin, voilà. Ah, je sais pas, j'ai été manger chez lui. Et il fait les quenelles, mon pote, attention. Ah, elle était. Et j'ai même appris que le mec, il a 6 gamins. Et en plus, il nique, mais un truc de malade. Spider-Man, je sais pas si tu voulais nous dire un petit mot ou Dramout sur Alexandre Astier, on lui fera passer le message. Non, mais moi j'ai pas vu l'exoconférence. Faut que je rattrape ça. Ah, j'ai vu une partie. Ouais, mais par contre, j'aime beaucoup les interviews où il apparaît, où il parle d'espace, d'extraterrestres, des choses comme ça. Enfin, ah, c'est, ouais, c'est. Voilà, le mec, tu peux l'écouter, tu vois pas le temps passer. Quoi. C'est quelqu'un de super intéressant, en fait, sur tous les sujets. Carrément. Eh bien, merci. On va pouvoir passer à la geekerie suivante. Et du coup, c'est toi, mon cher SN, qui t'y colle. Et pour ta première geekerie, t'as décidé de nous parler de Persona. C'est ça. Quoi est-ce donc ? Alors, Persona, c'est une série de jeux vidéo dont le vrai nom, techniquement, ça devrait être Shin Megami Tensei Persona. Puisque c'est un spin-off à la base d'une autre série de RPG qui s'appelle Shin Megami Tensei. Alors, je vais peut-être commencer par le commencement, j'éviterai de vous perdre. Alors, premièrement, est-ce que vous avez révisé la psychologie analytique de monsieur Carl Gustav Jung ou pas du tout ? J'en parlais ce matin avec ma femme au petit déjeuner. Ah, ben quand même. Moi, j'étais dessus juste avant le live. C'était fou, ça. Ah, c'est bien. Non, ouais, en fait, c'est... J'ai pas compris la question. Hein. C'est dingue. Hein. Stéphanie de Monaco, la question. D'accord. Non, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, le principe même en fait, de Persona, c'est un principe qui vient de la psychanalytique. Donc c'est en fait le masque que l'on porte en société selon les circonstances. Par exemple, quand on va parler à son supérieur hiérarchique, on va pas parler de la même façon que quand on va parler à son collègue de bureau qui est de la même hiérarchie que nous. Voilà, c'est ça le principe de persona ou de masque, techniquement. D'accord, donc j'ai un gros problème. Mais bref, je réglerai après l'émission. Vas-y, je t'en prie. T'as qu'un seul masque, c'est ça ? J'ai qu'un seul masque, c'est faire chier les gens. Je suis très franc comme garçon. Très bien. Vas-y. Alors, donc, je vais vous faire un petit topo un peu complet pour bien voir à peu près ce qu'est Persona. Alors, à la toute base, en fait, on est au Japon. C'est une série japonaise. C'est une série de jeux vidéo qui est inspirée à la base de romans qui s'appelle Digital Devil Story. C'est des romans un peu horreur Lovecraftienne avec de la science-fiction et un peu de cyberpunk. Voilà, en gros, c'est un programmeur informatique qui va inventer un programme pour pouvoir en fait invoquer des démons avec Internet. Et donc, du coup, en fait, il donne au début vie à Loki, en fait, ça fout le bordel, et bref. C'est les débuts des romans, ça va durer pas mal de tomes. Il y a eu deux adaptations en jeux vidéo qui ont été montées dans les années 80. Et celle qui nous intéresse, c'est celle qui est faite par Atlus, qui est un studio de jeux japonais. Ils vont en fait sortir un nouveau mode de jeu, en fait. Donc un RPG qui va en fait marcher comme Pokémon, sauf qu'on est bien avant Pokémon. C'est-à-dire qu'on va en fait pouvoir récupérer donc ces fameux démons, les invoquer, les garder avec nous, les entraîner et tout ça. Mais dans un truc où on parle quand même donc d'aller affronter Lucifer, qui a enlevé des déesses et tout ça, dans un labyrinthe en 3D en fait. Ce qui est un exploit quand même en 86. Et donc du coup ça va bien marcher tout ça. Et donc... ils vont se lancer de tout ça, ils vont lancer une grosse série qui est Shin Megami Tensei. Alors techniquement, ça, en français, ça doit s'appeler la nouvelle réincarnation de la déesse. Et ça, voilà, donc je le dis au cas où. Ça marche en fait tellement que Shin Megami Tensei, ça devient en fait, c'est la troisième franchise de RPG la plus aimée au Japon, derrière Final Fantasy et Dragon Quest. Dragon Quest, oh pardon, excuse-moi. Voilà, ouais, non mais je sais que t'aimes bien toi aussi. Ah oui. Et donc du... Le truc en fait, c'est que ces jeux sont extrêmement hardcore. Ils sont spécialisés dans une niche. C'est-à-dire qu'ils font des jeux durs. Et à un moment, ils se sont dit, ce serait quand même bien qu'on sorte de cette niche et qu'on vende plus de jeux. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va faire un spin-off qui est un peu plus ouvert et ça s'appelle Persona. D'accord. Voilà, ça, je vous ai fait un peu le background de la série. Alors Persona, techniquement, il y a. Alors je vous ai mis donc les différentes versions dans l'image. alors techniquement, il y a 6 jeux, mais on est au Persona 5. C'est parce que le 2, c'est un épisode double. Il y a deux Persona 2. Alors, vous préférez d'abord que je vous parle du scénario des jeux ou de la façon dont on les joue ? J'ai envie de dire comme tu veux, mon petit poulet. Très bien. Alors, c'est toi le coach. Techniquement, au niveau du scénario, le premier Persona, vous pouvez un peu l'oublier, en fait. C'est un peu un brouillon. Techniquement, c'est un peu à la... Sur le thème de Bloody Mary, en fait, c'est si jamais tu répètes 3 fois Persona, tu vas acquérir un pouvoir. Et puis, en fait, là, ils ont des pouvoirs et ça fait arriver des démons un peu dans le monde réel. C'est vraiment un brouillon. Et voilà, je vous le conseille pas forcément à jouer. Par contre, à partir du 2, c'est déjà vachement plus intéressant. Alors déjà, je vous ai dit, il y en a 2. C'est un diptyque, en fait. C'est pour ça que j'ai mis 2 dates de sortie au-dessus. Il y en a un qui est sorti en 99 et un qui est sorti en 2000. Donc en fait, le principe de ce diptyque, en fait, c'est qu'on va pas te faire un cliffhanger en plein milieu bien putassier, c'est qu'en fait, c'est 2 jeux complets. Les 2 sont liés. Il y en a un qui est la suite de l'autre. Mais tu peux faire les 2 sans le savoir. Donc on est dans un lycée japonais. Et en fait, il y en a un en fait qui est mis au... Il y a le personnage principal, Tatsuya, en fait, est mis au défi par un autre élève qui s'appelle le Joker, aucun lien, d'appeler en fait son propre numéro de téléphone. Et en fait, si on le fait, en fait, on peut faire un souhait et qui va être réalisé. Soit on arrive à réaliser ce souhait, soit on est transformé en ombre vide. C'est un shadow. C'est le contraire de la persona, en fait. Donc en fait les gens en fait vont gagner des pouvoirs de pouvoir invoquer en fait leur personnalité intérieure. C'est une espèce de c'est la version du monstre donc qui va pouvoir gagner de l'XP et qui va pouvoir combattre. Mais voilà. Et surtout ce qui est assez intéressant c'est qu'il va servir d'un système de rumeurs. C'est-à-dire qu'en fait tu vas pouvoir créer des choses dans le jeu en utilisant des rumeurs. C'est-à-dire qu'en fait tu vas par exemple tu veux dire tiens j'aimerais bien que ce restaurant de ramen il vende des armes. Bah, tu balances la rumeur et il faut que suffisamment de gens y croient, et paf, ce resto de ramen vend des armes. J'aime beaucoup ce principe, c'est tout con. Par contre, ça arrive à des rumeurs assez dingues à la fin, ça parle quand même d'extraterrestres et d'Hitler. Voilà. Nico, tu nous regardes. Ça va parler à Nico, hein. et donc, en fait, à la fin de celui-là, en fait, on se rend compte que c'est une... Tout le premier jeu, en fait, c'est une guerre entre une entité qui s'appelle Philémon, qui aide les gens, et un vrai démon Lovecraftien qui est nié à l'Artotep. Et pour savoir, en fait, quel est la vraie état de l'âme humaine, si ça penche vraiment du côté du bien ou du côté du mal. Le héros, à la fin, en fait, a le choix, en fait, il peut remettre le monde normalement, parce qu'il est quand même bien parti en couille, le monde, avec tout ce système. Et... il va pas y avoir de vrai reboot, mais ça va se faire. En fait, le personnage principal refuse d'oublier, ce qui relance le 2 avec un nouveau personnage, en fait, quelques mois après. D'accord. Voilà. Je vois, tu peux influencer le jeu à quel point dans le chat. À tel point que tu peux changer la fin, en fait. Il y a plusieurs fins. Il y a des quêtes secrètes et tout ça qui changent la fin. Voilà. Bien cool ça. C'est ça. Donc en fait, ces deux premiers, enfin ces trois jeux, étaient dans un système un peu qui ressemblait encore beaucoup à Shin Megami Tensei dans la façon dont on les jouait. C'est-à-dire que t'étais vraiment en vue à la première personne quand t'étais dans un donjon. Grosso merdo, c'est l'écran de veille dans Windows 95 avec les murs là, de briques. Je suis peut-être en train d'utiliser une référence un peu. 95. C'était il y a 25 ans. Écoutez, voilà. Hein. On est geek ou on l'est pas? Voilà, donc c'est des jeux qui ressemblent pas encore à ce qu'on peut connaître de Persona, pour ceux qui connaissent un petit peu la licence actuellement. Mais vraiment, Le 2, vraiment, je le conseille encore. Il est déjà vachement plus intéressant au niveau de ce qu'il propose. À partir de Persona 3, on va changer de façon de jouer. C'est-à-dire que en plus donc d'avoir les différentes personas à utiliser un peu comme un Pokémon, et des thèmes matures et tout ça, on va rajouter plein de trucs qui viennent des jeux de drague. C'est toujours dans un contexte lycéen à chaque fois, les personas. Et donc en fait, le principe, c'est que tu vas vivre un an d'un lycéen avec le calendrier qui va avec. Il va falloir que tu bosses quand tu vas avoir tes examens qui sont sur le point d'arriver, tu vas avoir les petits jobs à avoir fait à chaque fois. Et surtout, tu vas avoir des stats sociales à faire monter. Tu dois augmenter ton charme, ton courage, ta gentillesse, ta connaissance, et tout ça, pour C'est les devenir. Sims en fait. C'est ça. Comme sur les réseaux Sauf. sociaux quand t'es influenceur. C'est aussi ça aussi. C'est un peu ça, sauf que tu continues à aller dans des donjons pour aller taper des gens. Eh, Ah. tu sais que les Ah. conventions, des fois. C'est pas faux. Et donc voilà. Et t'as aussi du coup le système de lien social où en fait du coup tu vas devoir faire augmenter. En fait, t'as plusieurs compagnons autour de toi et tu vas devoir en fait apprendre à les connaître mieux. Et faire augmenter un lien qui va de 1 à 10 sur le fait que vous êtes amis ou pas du tout, simple connaissance ou amis. Et en faisant augmenter ça, en fait, chaque personne est en fait liée à une arcane du tarot. Et en fait, chaque persona aussi est liée à une arcane du tarot. Par exemple, l'ange ou l'archange est lié à l'arcane du tarot de la justice. Et forcément, si tu as un flic dans tes connaissances, elle va être li cette personne-là va être liée sans doute à l'arcane de la justice. Donc du coup, si jamais tu te mets à apprendre à connaître vachement bien ce flic, eh ben en fait, quand tu vas créer une persona de la justice, ça va être plus forte. Tu vas gagner un gain d'expérience direct. Donc en fait, tout est lié, toutes les façons de jouer sont imbriquées. Et en fait, il faut pratiquement être un. C'est un spin-off qui est fait pour être moins dur. C'est moins dur qu'un Shin Megami Tensei, mais c'est quand même assez hardcore. Parce qu'il faut réussir la vie d'un étudiant japonais. Ouais. Pas simple. Déjà que j'ai pas réussi ma vie d'étudiant à moi. Oh putain, les japonais. C'est ça. Et donc en fait, donc les trois qui vont suivre, donc le Persona 3, Persona 4 et Persona 5, vont donc avoir chacun des histoires différentes, mais avec ce même principe. Je viens de vous expliquer. Le Persona 3, en fait, chaque persona a un thème. Non mais suivez hein, les gens parce qu'à la fin il y aura une interrogation. Ce sera noté sur 20, ça va compter pour la moyenne du trimestre, donc à un moment donné. Excuse-moi, J'ai vas-y. bientôt continue. bientôt fini en plus. Donc je vais pas forcément vous parler de l'histoire dans les détails, mais je vais vous parler donc des thèmes. J'ai juste fait un détail sur Persona 2 parce qu'il est vraiment pas connu en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à les avoir en fait en Europe à partir du 3. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit point sur le 2. Persona 3, c'est donc le premier qu'on a eu sur PlayStation 2. Le thème, en fait, c'est la mort, le deuil. Voilà. Là, ce coup-ci, on est sur un groupe d'élèves qui vont en fait se rejoindre parce qu'en fait, c'est les seuls qui arrivent à être réveillés pendant la 13e heure de la. Enfin, la. Techniquement, c'est la 13e heure, mais bon, ça devrait être la 25e heure. En gros, il y a une dark hour, une heure sombre, où en fait tout le monde devient des cercueils dans la ville. Sauf quelques-uns qui ont la possibilité de faire appel à leur persona déjà. Et donc, du coup, c'est un peu essayer de résoudre ce gros problème qui, bien sûr, est lié à une grosse saloperie cthouloïsque. Comme d'hab. Persona 4, c'est un peu différent. Jusqu'ici, on était à chaque fois dans des grandes villes. Là, on est dans une ville à la campagne. Et on enquête, c'est un peu plus cool et calme. Une On est un bourgade. groupe d'enlèves, c'est ça, une bourgade, très bien. J'ai vu que tu voulais le lire. Oui. Et donc on est donc toujours un groupe d'élèves qui là enquête sur des meurtres qui sont liés, donc c'est des meurtres en série, qui sont liés en fait à un programme télé qui passe à minuit, quand il pleut. Tu peux voir en fait la Midnight Channel qui peut s'allumer. Et en fait, tu peux voir les gens sur la Midnight Channel avant qu'ils meurent. C'est-à-dire que si jamais tu apparais sur cette chaîne, eh ben, t'as de fortes chances dans le mois à venir de crever. Et donc ces gens-là vont essayer d'éviter ça. Et là, ce coup-ci, le thème du jeu, c'est vraiment la vérité et les rumeurs. Voilà, c'est pour ça que c'est lié à la télévision. Persona 5, c'est le tout dernier, il est sorti assez récemment, et du coup, le principe, là, du coup, on est retour dans une grande ville, et même la grande ville, puisqu'on est à Tokyo, et là, c'est un peu des voleurs qui, en fait, vont s'attaquer à la corruption en général et essayer de changer la société, carrément, ils ont pas peur, en fait, en changeant le cœur des gens, en fait, en enlevant les désirs pervertis. Voilà, en gros, ils rentrent dans la tête des gens et ils changent leur psyché. Voilà. Donc, en gros, si je dois résumer, Persona, c'est un mélange entre Carl Gustav Jung, la pop culture japonaise, la mythologie et Lovecraft. Et ben... Alors, je vais pas te mentir, tu vois. Tu m'as dit que j'ai été quelqu'un d'honnête. Ah, je suis quelqu'un d'honnête. J'ai pas tout compris. J'ai pas, voilà, parce que c'est très très loin des trucs que je peux connaître réellement. Mais par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que t'aies un endroit, voilà, pour pouvoir le dire, l'exprimer, et ne serait-ce que dans ma culture personnelle, savoir que Persona existe. Voilà. Et savoir que je n'irai jamais là-dessus. Mais jamais. C'est à peu près sûr et certain. Non, mais si tu veux, sinon t'as Animal Crossing. Je aussi. Je connais pas non plus. Mais ouais. Je pense que Persona, c'est plus sympa qu'Animal Crossing, qui est quand même un gros jeu de capitaliste de merde. Non, mais il y a des trucs qui ont l'air bien, tu vois, dans Persona, mais c'est vrai que ça a l'air quand même vachement pointu, quoi. Et ouais, je pense que c'est le truc, tu dois vraiment t'investir dedans, limite faire que ça pendant un bon moment, quoi. En fait, c'est surtout que c'est des jeux très chronophages, du coup. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que là franchement, donc là, il y a une version améliorée du 5 qui est sortie il y a très peu de temps. Qui fait que je suis dessus là actuellement. Première fois qu'on a une traduction en français, dis donc. C'est vachement bien. Et pendant le confinement, ça aide du coup. Ah, ça aide. Bah, elle est là depuis 2 jours, je crois, hein, cette traduction française. Ah bah. Vas-y, voilà. Le nombre d'heures. Vas-y. Ouais, tu as 38. À 48. Écoute. Non, 38. Voilà. 38. 38 heures en 48 heures. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Merci, SN. Alors, attention, je tiens quand même à dire que je laisse tourner pendant que je mange, donc je dois être peut-être plus vers 34. Ouais, mais quand même. Ouais, ah, quand même, dire, quand même. Ah, mais franchement, c'est un très très bon jeu. Je vous conseille vraiment le 5, du coup, puisqu'il est en français, c'est quand même vachement plus simple. On peut prendre le 5 comme ça Alors, en fait, c'est comme Final Fantasy ou Dragon Quest, chacun n'a aucun rapport, en fait. Mmh. C'est le système de jeu qui va rester. Mais il n'y a aucun truc qui te demande de connaître quelque chose. Il n'y a pas de truc suivi. Et c'est disponible sur PS4 à chaque fois, c'est un endroit différent. À chaque fois, c'est un lycée différent. Voilà. Et c'est dispo sur PS4 ou c'est juste sur ordi ? Alors, Persona 5, c'est sur PS4. Persona est très lié justement à la PlayStation. D'accord, ok. Et bien, voilà. De la PlayStation, si ça vous dit. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour les gens tu vois, qui s'investissent dans les jeux vidéo et notamment ceux qui conduisent un rase-mode des hélicoptères et qui s'éclatent comme des merdes sur la carte de Warzone de Call of Duty. Jules, j'ai jamais eu un pilote de merde comme ça, Jules. Mais bon, bref, c'était une petite parenthèse. Je te laisse conclure, mon cher SN. Non, voilà, c'est vraiment une série qui vaut le coup d'œil pour le coup. Ça utilise un peu les principes de la psychologie. Oh, ça a l'air super compliqué dit comme ça, mais en fait, il l'utilise un peu juste pour faire sérieux, en fait. Mais si tu veux, ce qui se passe dans le jeu est sérieux, mais on va pas te faire chier à te dire non, mais la psychanalytique, c'est comme ça. C'est vraiment juste pour avoir des termes à mettre dessus. Ils auraient juste réutilisé les termes, si tu veux. Par contre, les jeux en eux-mêmes sont généralement assez matures, pour le coup. On va là par exemple le dernier, on va parler du harcèlement sexuel vraiment de façon cash, parce qu'au Japon c'est un vrai problème. On va te parler du problème des SDF qui est un vrai problème aussi au Japon. On va te parler de plein de choses et c'est assez rare en fait qu'il y ait des choses aussi cash dans des jeux vidéo et qui te permettent d'y réfléchir dessus. Je te jure que t'as pas vu Jules piloter un hélico, c'est cash. Je te jure. C'est cash, mais tu réfléchis moins dessus. Ah, c'est sûr, hein. Quand on est passé au milieu des sapins, on n'a pas réfléchi. Hein. Je vais te dire, bref. Bah écoute, merci. T'as terminé ou pas du coup ? Ouais, j'ai terminé. Après, je peux toujours broder sur un truc si tu veux que je continue. Mais Ça ira, merci. On va pouvoir passer à la suite, sinon on va perdre définitivement tout le monde. Mais en tout cas, sincèrement, voilà, au-delà de la petite blagoune. C'est aussi ça l'esprit, tu vois, de ces petites geekeries. On va pas forcément accrocher tous sur les mêmes choses, mais ça permet vraiment d'élargir nos horizons. Et c'est un putain de plaisir que t'entendre parler de ça. Et je t'attends notamment aussi beaucoup sur la dernière geekerie, mais je vais pas la dévoiler maintenant. Parce que tout le monde l'attend là-dessus. C'est vraiment un truc que je connais, mais de nom, c'est tout. Et j'espère que tu vas me le faire aimer. Suspense intégral. Mais maintenant, c'est à ton tour, mon très cher Spider-Man, et tu vas nous parler d'un comics. Oui, de Justice League Doom War. Qui n'est pas encore sorti, si je dis pas de bêtises. Qui n'est pas encore sorti, qui devait sortir chez Urban le 29 mai. Donc du coup, à mon avis, on n'est pas prêt de l'avoir. Hein. Ouais, non, ça met un petit peu de temps, je pense. Et du coup, comme on l'avait déjà expliqué, on reçoit donc les PDF Urban en avance. Et donc, je l'ai lu là, cette semaine. Et donc, c'est la fin du run de Snyder sur la Justice League. En fait, il faut savoir que ça se termine et que la suite continuera dans Death Metal, sa prochaine saga. Et il y a aussi un petit truc dans L.A. Ryzen entre les deux. Il y a un petit... Ah oui, ouais, voilà. D'accord, ouais. Ok. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment la suite donc, de New Justice, donc le tome 4 qui était sorti chez Urban. Urban a eu l'intelligence de tout regrouper dans un tome, les numéros, tout le reste en fait, de Justice League et de Years of the Villain. Il y avait, je crois, 6 ou 7 numéros de Years of the Villain. Donc ils ont vraiment tout regroupé, tout mis dans l'ordre. Franchement, c'est un plaisir à lire. Pour revenir donc sur New Justice, à la base, c'est quoi? C'est les conséquences de Batman Metal. Donc il faut savoir que moi je suis pas un fan de Snyder de la première heure. Son run sur Batman, il y a pas mal de choses, je suis pas d'accord avec lui, j'aime pas trop. Son Batman Metal, à part les origines des Batman du multivers noir, j'ai trouvé ça hyper lourd, pas compréhensible. Et pour moi, il voulait faire du Morrison, mais voilà. Batman Metal, c'était quand même très compliqué. Même si le délire avec les différents métaux qu'il avait mis en place dans son run sur Batman, j'ai trouvé ça cool de les récupérer, mais enfin voilà, c'était un peu le bordel, j'ai trouvé. Et donc il est arrivé sur Justice League, donc il a pris la suite de Brian Hitch. Alors si vous voulez commencer Justice League, ne lisez pas ce qu'a fait Brian Hitch. oui, non. C'est de la merde, il faut, voilà, c'est unanimement, je crois que personne n'a aimé. Je sais pas, il avait pas d'idée, il était là pour meubler le temps que Snyder arrive. Et donc Snyder arrive et il pose ses coucounets sur la table. Parlons en termes clairs. En gros, à la fin de Metal, il y a eu une brèche dans le mur source. Donc le mur source, voilà, ce qui entoure le multivers. C'est d'ici. Ça, c'est les barrières de l'univers connu. Voilà, mais on n'a jamais vraiment su en fait ce qu'était ce mur en fait, et surtout ce qu'il y avait derrière. Et donc cette brèche a exposé en fait le multivers d'ici à quelque chose qui se nomme la totalité et qui arrive sur Terre. Mais c'est quelque chose de tellement puissant et vraiment au-dessus de tout. En fait, quand elle arrive sur Terre, elle arrive dans des époques différentes, dans le présent, dans le passé, l'avenir. Et ce qu'est cette totalité, donc on va assez vite le découvrir, et ça remet en question en fait la nature de l'univers, du multivers d'ici, ce que c'est, ce que ça doit être en fait, et ça va plonger les héros en plein doute, surtout le limier martien. L'immigré martien qui est dans cette itération de la Justice League le leader de la Justice League. J'ai trouvé ça super cool parce que c'est un personnage super intéressant qu'on voit pas assez, je trouve. Et donc ça, c'est les 4 premiers tomes. Et au début, je trouvais le concept cool, les pistes cool, et Snyder repart dans un délire de cette énergie positive contrebalancée par cette énergie sombre, et ils doivent chercher. Et là, je me suis dit, oh, il repart dans ces délires de métal, ça va être de la merde. J'ai continué quand même, et en fait, à partir du tome 3, je crois, tout commence vraiment à s'imbriquer. Mm-mm. Il avait vraiment tout prévu, et même lui, je pense qu'il a appris de ses erreurs de métal, je dirais, parce que assez régulièrement, il refait un point sur la situation. parce qu'il y a tellement d'éléments d'univers. Je sais que là, par exemple, dans le dernier tome donc, de Moir, à un moment, en une case, le mec te reprend, en gros, te pond un concept et il te reprend les crises on Infinite Earth, Infinity Crisis, Final Crisis. Il te reprend toutes les crises pour te pondre un truc et tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc le mec, il va vraiment dans toute la mythologie d'ici, farfouiller, reprendre les trucs qui l'intéressent. À côté de ça, il va aussi réexplorer les origines du peuple martien et du peuple terrien. Pour moi, c'est du niveau de ce que Donny Cates avait fait sur Venom. C'est vraiment recherché. Il peut le faire. Ça n'a jamais vraiment été exploré. Donc pourquoi pas ? Il se fait plaisir. Ça rentre bien dans le délire qu'il veut nous faire comprendre. Et pour moi, franchement, et la fin aussi, la fin, il nous prend vraiment à revers, en fait. J'ai vraiment été étonné. Bon, c'est une fin ouverte, hein, parce qu'après, voilà, Death Metal oblige. Et vraiment, c'est vraiment un run que je conseille. C'est de la bonne SF, du bon cosmique. Il gère vraiment super bien tous les personnages de la Justice League et il en gère un paquet. Mais vraiment, hein, il va vraiment en plus en chercher. Je crois qu'il y a pratiquement tout le monde. Hein. Oh, il y a vraiment tout le monde et puis il va rechercher genre Starman. Enfin, c'est. Ouais. Et chacun a son temps d'apparition utile qui n'est pas là pour faire beau. Et non, j'ai vraiment pris du coup beaucoup de plaisir à lire ce run. Que je conseille vraiment à fond. Alors du coup, j'ai quelques petites questions, histoire de parce que tu n'as de cesse de me parler du travail de Snyder sur Justice League. Avant de se lancer sur ce pavé à 35 euros, 500 pages, c'est ça, à peu près ? 520, ouais. Ouais, ça va, putain, c'est quand même déjà du beau pavé. Ouais. Mais bon, il n'est pas encore sorti. Avant... C'est du beau pavé et il y a beaucoup à lire. Hein. Y a beaucoup, oui. Ouais. Et avant, il faut avoir lu quoi pour être à l'aise ? Au moins métal, je dirais, mais le truc c'est qu'il fait beaucoup de rappels en fait dans les premiers numéros, donc au final, non, on peut commencer comme ça, je pense. Mais juste par Doomwar ? Non, par New Justice, enfin New Justice. Urban, ils ont publié ça comme ça, un tome de New Justice, la suite 4 tomes de New Justice, et là le Justice League Doomwar, c'est vraiment la fin. Quoi. Attends, et tout fait vraiment le run de Snyder. Il y a un tome qui s'appelle New Justice qui est tout seul. Non, No Justice. No Justice. Ah ok, ah bah ouais, mais si t'as l'accent lorrain, on va pas ça... No, N-O. Ok. Et New Justice, c'est 4 tomes. Ah putain, ok, en fait, t'en veux mais, ça, mon porte-monnaie, donc. Hein. Ah, et ils ont fait ça parce qu'aux États-Unis ça s'appelle Justice League. Donc Urban s'est dit, ça. On va pas rappeler ça Justice League, vu qu'avant ça s'appelait Justice League. Mm. Ouais, donc, c'est le délire de No Justice, fait. Nouvelle Justice, presque la Justice, bientôt ce sera la vraie Justice. Ok, bon. Et c'est vrai. Et donc au dessin, on a Roré Jiménez. Oh, et... le dessin, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Ça a l'air. On a du Francis Manapul, on a du George Jiménez, on a du Jim Chung. Enfin, on a une pléthore d'artistes. Mais tout... franchement, je n'ai pas souvenir d'une page moche. C'est tout est magnifique. Et puis il y a vraiment des pleines pages de fou. Non, c'est vraiment beau. Bon, là pour le coup, tu m'as donné très très envie. Non, mais c'est vraiment un très très bon titre. Moi, je suis pas un très grand fan de Snyder non plus. Sur tout ce qu'il a pu faire chez DC, j'ai pas forcément kiffé. Mais là, ce titre-là, j'essaye généralement de le décrire, c'est un type, il a décidé de faire un run de Justice League et il a dit « je fais une crise ». Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ouais. Une crise. Une vraie crise. T'énerve pas. Non, non, mais voilà, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vraiment une crise, sauf que ça s'appelle pas une crise. Quoi. C'est fascinant. C'est... Et il réussit super bien. Et du coup, t'as pas le côté tie-in en fait, qui peut être super chiant quand tu suis un event. Mmh. Parce qu'en fait, tout est dans ton run. T'as peut-être une partie qui est un peu dispensable, le truc sur Aquaman. Donc le tome 2, je crois, en VF. Ouais. Ouais, alors après, c'est vrai. Il a fait une petite pirouette pour se rattraper, mais tu sens bien que c'était fait pour que ça sorte en même temps que le film Aquaman. Voilà, parce qu'au final, ça servit pas à grand-chose. Non, mais je pense qu'on l'a fait chier un peu à ça, donc... Peut-être qu'en VF, tu peux peut-être sauter le tome avec Aquaman, qui est le tome 2, je crois. Mais sinon, vraiment, j'essaye d'aider ton porte-monnaie. Après, j'ai toujours mon tome américain, mais bon. Oui, c'est ça, oui. Il est très pratique, tonton. Ah. Mais très franchement, c'est... Pour le coup, en fait, je pense qu'il a essayé de faire du Morrison avec Batman, sauf que c'est... En fait, Snyder, pour moi, il a plein d'idées. Les idées peuvent être vachement bien, sauf que, par exemple, il a essayé de faire des choses qui n'allaient pas forcément avec Batman. Mmh. En tout cas, pas forcément avec le Batman tel qu'on l'imagine actuellement. C'est-à-dire, le Batman, il doit être sombre et tout ça, et puis voilà qu'on nous met... non, maintenant, en fait, c'est Gordon, il y a des monstres aux fleurs. Mmh. Tu vois, ça marchait moins bien. Et là, en fait, il a accès à tous les personnages chez qui ça peut marcher, ces idées-là. Ben c'est ça, en fait. C'est que son concept de délire, dans ce qu'il aime aller, dans le grandiose, là, ça colle, en fait. C'est ça. Et, et comme il a tout l'univers DC, en fait, pour jouer, ça marche trop bien. Ah, puis là, surtout qu'on le laisse, on lui dit, allez, vas-y. On va explorer ce qu'il y a derrière le mur source, fais-toi plaisir. C'est ça. Enfin, c'est ouf. Vas-y, passé, présent et futur. Les héros qui existent, en fait, se ramènent pour aller buter le gueule à la menace qui est, par exemple, pareil, tous les méchants. Vas-y. On t'explique même pourquoi l'anti-monitor a des gueules différentes dans Crisis on Infinite Earth. Ouais, on va dans ce point de détail-là. Exactement. Ouais. Bah, c'est la case dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Où il revient dessus. Ouais. On a Cédric de Comics Discovery qui nous dit il faut avoir lu le run de Batman, puis Metal, puis No Justice, puis New Justice. Non. Puis il faut avoir lu Flashpoint, le run de Morrison et Infinite Crisis et Laura TV qui rajoute Crisis on Infinite Earth. Et bah ça tombe bien, j'ai lu tout ça. Ça non, parce qu'après ça c'est des petits rappels, c'est des petits bonbons pour ceux qui les ont lus, mais c'est pas... Voilà, on nous explique de toute manière, et c'est pas ça qui va te faire décrocher de la lecture de toute façon. Et on a Elfoum Walapé, alors putain, j'ai galéré sur le pseudo, mais je suis content, je l'ai dit comme il faut, qui nous dit, mais pourquoi tant de haine sur Snyder? Moi, j'ai commencé réellement Batman avec le run de Snyder, et globalement, j'ai apprécié l'ensemble du run, mais je pense que j'étais aussi à un moment donné dans une espèce de hype et de joie de découverte qui fait que En première lecture, ça s'est globalement bien passé pour moi. Le Gordon Batman, un petit peu moins, mais globalement, ça allait. Par contre, faut reconnaître que voilà, sur All-Star Batman, moi, pouah, il m'a perdu. Sur Batman Metal, j'ai trouvé ça, mais horrible, parce que j'ai l'impression qu'il a voulu imiter le style de Morrison et se donner des airs qu'il n'a pas et dont il n'a pas besoin, en fait. Il n'a pas besoin d'essayer de rentrer dans les habits de Morrison ou je ne sais quoi. Enfin, je trouve qu'il est vraiment bon quand il a des idées, quand il les applique et quand il sait aller au bout. Et je trouve que dans Batman Metal, enfin, c'était horrible, quoi. Moi, ça m'est tombé des mains, c'était à chier, quoi. Batman Metal, de toute façon, est une reprise des concepts qu'avait remis Morrison, Barbatos. Mais avec le talent en moins, quoi. Et Morrison a travaillé aussi sur Batman Metal. Faut pas. Il y a aussi une part de Morrison, entre guillemets, parce qu'il a travaillé dessus. On met tout le temps le reproche de Batman Metal sur Snyder, mais Morrison il est intervenu dessus aussi. Et bien voilà, on va certainement enchaîner parce qu'on a encore plein de trucs à dire et plein de geekeries qui arrivent. On en a des belles encore, hein, je vous assure. Peut-être encore un peu. Mais en tout cas, voilà, rien que les dessins et l'envie de lire de la Justice League en ce moment me donne quand même vraiment envie d'aller voir ça et de laisser une dernière chance à Snyder. Attention, hein, si c'est pas bon, hein, putain. On entend parler de moi. Enfin, là, pour le coup, bah, c'est moi qui vais vous parler de The Sensational. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. She-Hulk. Pour moi, ça restera Miss Hulk. Hein, parce que dans ma jeunesse, c'était Miss Hulk. Donc, ça restera Miss Hulk. J'ai repris mes vieux Nova. Nova, c'était un petit mensuel qui sortait en kiosque dans les années 70, 80, 90. Et je me suis replongé dans mes vieux Nova pour recommencer à lire les épisodes de Miss Hulk, dessinés et scénarisés par John Byrne, parce que j'avais très envie de les relire, de les redécouvrir, parce que ça faisait quand même plus de 25 ans que je les avais pas feuilletés. Donc autant te dire que j'ai redécouvert ça avec un œil totalement différent. Et c'était plutôt bon, c'était en même temps pour coller à l'actualité pour le coup VO, puisqu'on a un omnibus qui va sortir. Alors normalement c'est le 15 avril. Alors, comment ça va sortir? Est-ce que ça va sortir? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Je pense que ça va être retardé, malheureusement. Et bah, de toute façon, bah, nous attendrons. Mais il y a un magnifique omnibus VO qui va sortir sur tous les épisodes de John Byrne sur She-Hulk. Alors, juste pour vous la faire en court, le She-Hulk donc est pris par John Byrne dans le Nova 152. Voilà, il va faire les épisodes 1 à 8 jusqu'au Nova 159. Et après, à partir du Nova 160, alors chose que je ne me rappelais pas du tout, donc il y a tout un tas de scénaristes qui vont intervenir, on a que des noms que je ne connais pas, hein. On a Steve Gerber, Simon Furman, Oh. Louis Simonson. Ah, honnêtement, ça, vraiment, je serais un menteur de dire si, enfin, pour le coup, je ne les connais pas plus que ça. Mais par contre, au dessin, surprise, on a un tout jeune, Brian Hitch. Et... Et ça m'a mis sur le cul. Et il était pas ouf. Mais en même temps, bon, c'est Brian, enfin, il Oui, mais il débutait était dans et le temps. Il était dans les temps. il était dans les temps. Et mais bon, et puis c'était vraiment, pour le coup, c'était son tout début de carrière. Hein. Je crois que ça faisait pas des années qu'il travaillait dans l'industrie. Et voilà, ça restait sympathique. Mais bon, passer derrière Byrne, c'était quand même très compliqué. Le truc qui est vraiment, vraiment extrêmement intéressant dans cette série et qui fait que j'ai cassé ma tirelire et que j'ai précommandé cet omnibus VO, c'est pour le travail uniquement et intégralement de John Byrne, puisque là on a vraiment le personnage de Miss Hulk, Jennifer Walters, qui est donc devenue Miss Hulk suite à une transfusion sanguine avec son cousin Robert Bruce Banner, le dénommé Hulk, et donc bien sûr, suite à cette transfusion, elle est devenue Miss Hulk, She-Hulk, avocate et en même temps dotée des pouvoirs gamma, sans pour autant être complètement cinglé et siphonné du ciboulot comme son très cher cousin. Et donc John Byrne, dans cette série, dès le premier épisode, c'est pas, il ne brise pas le quatrième mur, il se torche le cul avec. Il le défonce, le quatrième mur. Et c'est génial. Les épisodes 1 à 8 sont tout simplement merveilleux. On se retrouve avec une Jennifer Walters qui parle à John Byrne. John Byrne qui parle à Tom DeFalco de mémoire, j'ai plus le nom. Il se pique. Enfin, c'est totalement génial. C'est complètement ubuesque, c'est du très très grand spectacle. Et tout ça, c'est des années et des années avant que Deadpool bah, casse le quatrième mur, voilà, et c'est surtout nettement mieux fait. Alors pourquoi j'ai choisi cette miniature tout particulièrement? Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, si vous êtes en podcast, vous ne pouvez pas le voir, mais je peux vous le décrire. C'est l'image qui est très célèbre où on voit Miss Hulk en pleine page et qui fait de la corde à sauter qui, a priori, est nue. Moi, le truc que je trouve intéressant, c'est au-delà donc de l'aspect purement scénario où John Byrne, il s'éclate, hein. C'est une bouffée de fraîcheur. Il sort tout juste du titre des FF, si je ne dis pas de bêtises. Et il s'amuse pendant quelques épisodes comme ça sur She-Hulk. Et j'ai choisi donc du coup cette miniature parce que, alors non pas parce que Jennifer Walters est magnifiquement bien dessinée et qu'elle est absolument ravissante, mais parce que, à mon sens, elle exprime parfaitement tout le génie créatif et le génie de dessinateur de John Byrne. C'est-à-dire que pour moi, tout le talent de John Byrne, c'est de savoir dessiner rapidement et de savoir dessiner en mouvement. Les comics, on est vraiment sur bah voilà, les comics de super-héros, on est vraiment sur quelque chose. Bah voilà, c'est de l'action, il y a du mouvement, il y a des coups de poing, il y a ce genre de choses. Et le mouvement, je ne connais pas un autre dessinateur, passé ou actuel, qui soit en capacité de le transfigurer à ce point de cette manière. Ce mec est un génie à ce niveau-là, et c'est totalement remarquable. Et ça se voit dans chacune de ses planches. Et à mon sens, voilà, hein, bon, le talent des dessinateurs, ça fluctue avec l'expérience et avec l'âge à un moment donné. Et là, on est sur vraiment ses, j'ai envie de dire, ses plus belles années. Et il a un coup de crayon qui est mais totalement totalement dingue. On a l'impression de voir bouger les personnages quand on lit du John Byrne, et ça, c'est totalement merveilleux. Alors, petite anecdote qui m'a beaucoup fait rire et qui m'a été donnée par Jules, la couverture, en fait, de l'omnibus a été recolorisée, avec une colorisation, on va dire, réactualisée. Et donc, John Byrne s'est exprimé quant à la qualité de cette nouvelle colorisation, simplement de la couverture, et il a dit, mot pour mot, que je ne dise pas de bêtises, cette coloration suce un orignal. Merci. Oui, ça ressemble bien à Byrne actuel. Ouais. Merci, merci John. Merci. Voilà. Alors un orignal, c'est le plus grand cervidé d'Amérique du Nord. On va prendre quelques minutes, si vous êtes d'accord, pour parler de l'orignal, cette espèce d'animal magnifique, un cerf gigantesque avec des bois immenses. Voilà. Et donc vous saurez que le coloriste, il a dû lire ça et ça a dû lui faire vraiment plaisir de se dire que son travail suçait un orignal. Et par contre, je suis d'accord avec lui, c'est totalement abject. Et pour le coup, ils auraient mieux fait de laisser le dessin dans son jus, parce qu'il était tout simplement magnifique tel qu'il était. Voilà, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur Miss Hulk, sur John Byrne. Vanessa, je ne sais pas si tu as envie de dire un petit mot. Le dessin est beau, d'après ce que je vois, honnêtement. Même en étant une femme, voilà, on peut apprécier de voir un dessin de femme nue, bien dessiné, ce n'est pas vulgaire et tout. Après, je connais très mal Miss Hulk. J'ai du mal à la définir, si je puis dire, parce que d'une série à l'autre, j'ai vu des personnages tellement différents, finalement. Où une fois, comme tu me le disais, elle est She-Hulk tout en étant, en gardant son intellect. Là, comme je disais, je viens de la voir passer dans le dernier Strike Force. J'avais l'impression de voir un Hulk, mais au féminin, parce que c'était She-Hulk fracasse. Donc, je me suis dit, mais j'ai pas compris. Tu me lances un truc. Justement, elle est censée être intellect. C'est la version actuelle, ouais. J'en dirai un mot après, ça m'énerve ça. Mais bon, vas-y. Après, je l'ai vu passer dans les Avengers. C'est dans House of M quand elle déchire un personnage important en deux, si je puis dire. C'est au début. Avec Bendis, la séparation. Avec les Avengers. Qu'il y a le Valet de cœur qui se fait exploser. Oui, voilà, Disassemble. Le Valet de cœur, il se fait exploser. Il déchire Vision en deux. Voilà, c'est ça. Et du coup, autant j'aimais bien la version, justement, avocate, épée, She-Hulk derrière. Mais là, j'ai l'impression que ce qu'ils en font maintenant, ben, c'est un Hulk au féminin, quoi. Du coup, je vois plus trop l'intérêt. Donc peut-être que cette version-là... Par contre, j'ai un truc. Tu as dit que tu l'as pris en VO. Ouais, et d'ailleurs, il faut que je rajoute un truc. Tu vas le lire? Il va essayer. Je vais faire. Regarder les dessins. Mais je vais faire comme pour les. C'est très méchant. Je tiens à te le dire ce que tu dis, tu me blesses beaucoup. je vais faire comme pour les Immortal Hulk, c'est-à-dire que je vais essayer petitement, avec de temps en temps, même souvent, l'aide du Google Translate de mes deux, essayer de le déchiffrer, puis petit à petit, j'essaye d'améliorer mon anglais. Alors, je galère véritablement, hein, c'est la merde, mais étant donné que c'est sur des personnages que j'affectionne particulièrement, et notamment sur Byrne, je pense que ça va le faire. Ouais, carrément, puis après, t'es pas pressé. Tu vois, tu lis un épisode, tu le laisses tomber quelques semaines, tu reprends un autre épisode. Voilà. Mmh. Alors, le truc que je voulais rajouter, il y avait deux choses. Il y avait premièrement Jules qui me demandait de rappeler les numéros de Nova. C'est dans les Nova du numéro 152 au numéro 192, jusqu'au dernier numéro où Nova était encore en petit format. Cependant, tous les épisodes de la série ne sont pas dans Nova et après, ça a arrêté d'être publié. Donc, il y a tout un tas d'épisodes qu'en plus, du coup, je n'ai pas pu lire. Et l'autre truc que je voulais dire, c'était juste pour rebondir sur la manière dont She-Hulk, dont Miss Hulk est traitée actuellement. Pour moi, c'est une catastrophe. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand Jason Aaron il prend les Avengers, il y a un cahier des charges et il faut une grosse brute épaisse, si possible décérébrée. Hulk n'est pas disponible, il est dans sa propre série Immortal Hulk. On va prendre Miss Hulk et puis ça va faire le café et c'est une grosse brute décérébrée. Et ça me casse les noix, mais salement. Parce que ce personnage n'a absolument pas besoin de ça. Dans cette série, elle est intelligente, elle est charmante, elle est procureur, elle est intelligente, elle fait rire, elle est tout ce que tu veux. Elle a un background pour être un personnage, mais vraiment, vraiment ultra intéressant. Vraiment. Et pour moi, elle est mal utilisée, sous-utilisée, elle a rien à foutre dans une série Avengers, en grosse brute épaisse, c'est ridicule, et pour le coup je trouve qu'on abîme le personnage. Le travail de Byrne est beaucoup plus sympa pour le coup. C'était justifié scénaristiquement le fait qu'on la voit en brute épaisse et qu'elle déchire Vision en deux, tu vois. C'était... Là, oui. Je parle des derniers, tout derniers là. Dans les Strike Force là, franchement, elle est. Oui, dans les Avengers de Aaron, ouais, ridicule, c'est vrai. Que... C'est totalement. C'est horrible quoi. Le problème c'est vraiment qu'on n'a plus la psychologie du personnage et le fait qu'elle ait sa propre voix en fait. Vraiment qui est dérangeant en fait. Je la verrais bien un petit peu, tu vois, comme Daredevil, ou peut-être même des fois en duo avec Daredevil, avocat, procureur. Putain, tu peux vraiment faire des trucs de dingue quoi, avec ce personnage. Et c'est un personnage féminin, enfin voilà, tout est là. Tout est là pour en faire quelque chose de bien. Il y a la série qui est en préparation, bon, évidemment, à mettre. Entre des guillemets, parce que tout est arrêté. J'en attends beaucoup, énormément. J'espère ne pas être déçu et qu'ils sauront ne pas en faire une brute épaisse comme Hulk, on n'en a pas besoin. She-Hulk a gagné ses galons, elle a gagné sa place et c'est un personnage à part entière et ô combien formidable. Justement, d'ailleurs, ils ont commencé un petit peu comme ça à l'époque quand Stan Lee l'a créé en tant que. En tant que She-Hulk, en fait, elle ressemblait beaucoup à son cousin Bruce Banner. Mm. Sauf qu'en effet, elle rentrait pas en rage, mais elle avait pas grand-chose qui lui donnait un caractère. Et c'est le fait de la faire parler avec le lecteur, c'est le fait de la faire en fait vivre en fait une vie et de pas être forcément marqué par toutes les angoisses de Bruce Banner et de pas en faire un Bruce Banner bis qui a fait que She-Hulk est vraiment devenu un personnage important en fait. Il devait pas faire une série télé sur elle. Eh ben c'est ça qui arrive sur. Sur le Disney Plus normalement. Elle est déjà faite. Bill Bixby. Non, c'est en cours de préparation ou en cours de tournage, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est prévu, c'est dans les starting blocks. Avec Lou Ferrigno. Je sais pas. On aura peut-être un petit caméo. Dans le rôle de She-Hulk. Lou Ferrigno. Moyen, hein, pas ouf. Et donc du coup on va pouvoir passer à la geekerie suivante et je reviens vers toi mon cher Darmouth et tu vas nous parler de Cole. Ouais, je vais vous parler d'un comics qui a été sorti en un seul tome chez Urban Comics qui s'appelle Cole pour Chicago, c'est la ligue d'organisation en fait des travailleurs de Chicago pour les super-héros. Ouais, parce Chicago que je vais pas parler Organized Workers League. Ouais, je voulais pas parler anglais à côté de Vanessa pour pas me faire Chicago reprendre. Organized Workers League. Elle m'a déjà taclé. Foutu pour foutu, je pouvais y aller. Quoi. Donc du coup, c'est écrit par Siegel et Kyle Higgins et dessiné par Rod Reiss. Et donc en fait, le projet est assez intéressant parce qu'au départ, c'était le film de fin d'études de Kyle Higgins qu'il a du coup... Après, il a demandé l'aide d'Alex Siegel pour écrire avec lui, pour le sortir en comics. Donc le pitch est assez intéressant. On est dans le Chicago des années 50 et les super-héros n'évoluent plus, on va dire, à l'encontre des lois ou avec une permission ou quoi que ce soit. Ils sont encadrés en fait par une organisation donc qui est appelée la Ligue et qui est un peu, on va dire une deuxième force de l'ordre, un peu comme une deuxième police. Et donc, du coup, c'est leur métier, c'est leur boulot, ils ont les secteurs attitrés, etc. Peut-être un syndicat, peut-être. Ça reste leur job, c'est leur salaire, etc. Quoi. C'est une institution à part entière, vu que c'est toute une partie pour la mairie, etc. Et en fait, on va suivre un peu cette organisation. Et en fait, on va suivre l'organisation après qu'ils aient arrêté l'un des derniers gros méchants, le comment dire, un gros super méchant, et la question de l'utilité de cette ligue se pose. Parce que il y a quasiment plus de crimes, il y a plus de gros méchants, et maintenant la police peut tout faire toute seule. Ils ont plus besoin d'eux parce que justement il y a plus de super méchants. Et on se pose un peu la question de quel va être leur rôle avec le directeur de la ligue qui lui veut que la ligue continue d'exister, que les mecs veulent continuer de savoir un peu ce qui se passe. Il y a aussi des affaires un peu en dessous qui sont un peu sombres, un peu bizarres. Et voilà quoi, on suit un peu tout ça, c'est vraiment assez sympa, c'est bien pensé, bien construit. Moi ça me fait un peu penser à une inspiration des Minutemen de Alan Moore. On retrouve un peu ce concept-là. Et c'est là que je trouve, j'aime bien cette vision un peu intéressante, ce mélange entre super-héros et en même temps une facette... une facette qui est pas juste la bagarre ou quoi que ce soit, quoi. Une facette organisation, une facette un peu le dessous de l'organisation, de comment ils doivent se débrouiller en tant qu'humains, etc. Donc c'est un titre qui m'a vraiment bien emballé. Et voilà. Et ben je ne connais pas du tout. Voilà, c'est vachement cool, ouais, comme cool, titre. T'as aussi le petit côté rétro années 60 qui donne un petit cachet quand même. Et c'est vrai que je voyais ça aussi comme un syndicat, moi, en fait. Bah ouais, c'est parce que League, en fait, justement, ça c'est le nom direct pour syndicat, en fait. C'est Workers League, c'est littéralement ça, en fait. Mais c'est pour ça que c'est un peu spécial, parce que ça reste quand même une branche par rapport à l'organisation de la ville, quoi. C'est-à-dire que c'est géré de la même manière qui est géré la police, qui est géré ces institutions-là, en fait. Pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu le syndicat des super-héros. C'est-à-dire qu'en fait, les super-héros se sont réunis et ils ont dit, voilà, justement, nous, on va avoir tel salaire, on va avoir tel... Et justement, ils se battent contre... c'est une relation de pouvoir. Et justement, là, ils arrivent sur le moment où la relation de pouvoir n'existe plus. Ouais. Et c'est vraiment super intéressant, quoi. Ça fait une bonne vision. Et c'est assez fou de se dire que... Le titre, je crois que le titre il date début 2010, je crois. Oui, enfin en 2000... tout cas, oui, c'est ça. Enfin, c'est 2010-2012, un truc comme ça, je crois. Et c'est intéressant de se dire qu'avec du super-héros, ils arrivent quand même à créer quelque chose qui n'a pas vraiment été aussi développé, enfin développé de cette manière-là. Et je trouve ça assez. Je trouve que le point de départ, finalement, qui pourrait être un peu bateau parce que c'est encore du super-héroïque, finalement il est bien amené, et le super-héroïque il passe complètement au second plan, en fait. Et bien Spider-Match, tu l'as lu toi ou pas? Oui, je l'ai lu mais il y a très longtemps, hein, donc c'est plus très frais dans mon esprit, mais je regarde un bon souvenir, et puis les dessins de Rod Reyes, j'aime beaucoup. Rod Reyes, c'est pas le frère caché d'Ivan Reyes? Pas du tout. Que la planète contient plusieurs Reyes. Oh oui, c'est comme les Dupont. Hein. Et je souligne quand même que dans le chat, tous les anciens, petit à petit, vont se coucher à 22h. Pistolet à bulle est parti. Dragnir nous quitte aussi. Dragnir au dodo. Et ben voilà, comme disait tonton Dragnir, on va mettre la viande dans le torchon. T'as changé, Dragnir. T'as changé. 22h au lit. 22h au lit. Mais bon, on te souhaite une bonne nuit. Gros bisous. N'oublie pas tes cachets. Et, voilà. Et je salue mon frère également qui nous écoute. Voilà. Ah, il est venu. Alors, connard. Il était invité. Alors, du coup, il a été invité. Ouais. Il me fait beaucoup. Il vient m'envoyer un message pour me dire. C'est peut-être possible qu'il soit frère parce que les deux en plus sont brésiliens et tout, quoi. Ah, mon frère et moi, on est frères. On n'est pas brésiliens, c'est sûr. Et les deux ont beaucoup travaillé ensemble. Ah bah c'est possible alors. Donc c'est peut-être possible qu'ils soient frères. Bah alors ils ont vraiment deux styles différents. Justement, moi j'ai la même question que Aurélien dans le chat. À l'intérieur du livre, est-ce que les dessins, ça ressemble à ce qu'on voit sur la couverture? Ouais. C'est assez spécial à l'intérieur. Ils sont un peu dessinés comme ça ou... Moi je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a qu'un seul dessinateur, il y a un autre qui aide un peu vite fait, qui a dû faire quelques planches. Mais il y a un peu un double style. C'est assez spécial parce qu'autant il y a des cases, je trouve que c'est super bien détaillé. super bien travaillé. Et il y a d'autres, j'ai l'impression que le mec, il a fait, il a pris son pinceau, il a fait une flaque, il a rajouté des bras, puis voilà quoi. Il a fait le minimum syndical. Ouais. C'est un peu ça. Oh, non, mais c'est... Oh, bravo, bravo. Oh, merci, merci. C'est un peu. Il est garni. Ouais, je trouve qu'il y a un peu deux genres de dessins sur le truc. J'invite les gens à aller checker un peu les dessins sur de Gaulle sur ça, Google. Je re-regarde du coup. Ouais. Et pourtant, c'est un seul dessinateur. Ouais, il y a juste un autre mec qui fait quelques planches par-ci par-là quoi, sur l'un des numéros, mais c'est tout quoi. Il est même pas identifié sur la couverture ou quoi que ce soit. Donc, il était payé au black. C'est ça. Avant de passer à la prochaine geekerie, je tiens quand même à souligner les méfaits du confinement. Parce que je vais vous dire un truc. Pour que mon frère il soit là et qu'il écoute un de mes podcasts, oh bah il se fait chier. Oh bah alors. Oh putain. Oh bah il n'y a rien à la télé, il en a marre d'être tout seul chez lui. Hein, mon bicounet. Je te fais des gros bisous mon frère. Et donc du coup, Vanessa, on va revenir vers toi. Tu vas nous parler du Marvel Unlimited. En bonne prof d'anglais que tu es. Et tu vas nous parler de Unlimited, ça. Unlimited, please. En anglais. Mais excusez-moi, madame. Toi, not dois... Unlimited. Ça doit pas rigoler au collège. Hein. Lycée pro. Des souvenirs d'école qui remontent. Lycée pro, c'est encore pire. Ah, can you repeat, please? Brian is in the kitchen. Where is Brian? Ouais, moi je suis partie dans des trucs super pointus, tu vois, que personne se connaît. Je me suis dit, il faut faire découvrir. Mais surtout, je me suis dit, c'est le confinement, on se fait chier, on ne peut plus rien lire, il n'y a rien qui sort. Donc, j'ai repris mon abonnement au Marvel Unlimited, que j'avais arrêté il y a... So many years. Yes. Some months ago, my credit card was expired, so I had to change it. Eh ben, j'ai compris ce que tu as dit. T'as dit bah oui, que, parce que j'ai tu avais t'as pris vu. Cette robe en 32. et qu'elle était de couleur bleue. Alors, il est pas là mon niveau d'anglais ? Alors. Toi, l'omnibus, tu m'en chier. Ouais, j'ai galéré. Non, mais je l'avais arrêté parce que bah, voilà, ma carte de crédit est arrivée à expiration. Il fallait que je la relance. Oh, la flemme. Donc, je l'avais arrêté. Sauf que moi, j'ai pas une grosse pile d'avance à lire. Là. Et puis, avec le confinement, bah, à part Moutafoukas qui est encore à côté de mon lit suite au conseil de Jay, j'avais plus grand chose à lire. Donc je me suis remis sur le Marvel Unlimited et il faut avouer que c'est quand même vachement pratique. Mais il faut parler anglais. Et c'est bien pratique. C'est vrai que ça peut aider. c'est juste là. C'est en anglais. Donc ça peut être gênant. T'as pas les toutes dernières nouveautés parce que du coup ils sont obligés de respecter. C'est un accord qu'ils ont donc tu les as toujours 6 mois après la sortie VO. Bon, après, du coup, ça fait un peu la même date que les sorties VF, si je ne me trompe pas, un grosso merdo, à une vache près. Mais non, mais moi, franchement, je trouve ça super bien. Je me suis vachement remis au Marvel grâce à ça. Ça fait faire des économies, donc ça permet de s'acheter des plus gros tomes à côté, ceux qu'on aime vraiment, etc. Et voilà. Pour le prix, moi, franchement, je trouve que ça vaut le coup, quoi. À l'année, 69 $, pas c'est rien, quoi. On voit le prix d'un comics maintenant. À l'année, franchement, si le mec qui est vraiment lecteur de VO à mort, 70 balles à l'année, bah effectivement, comme le souligne Jérém, bon, il faut aimer le numérique, mais enfin bon. Il y a 6 mois de décalage avec les sorties physiques, mais au final, ça revient un peu à ce que nous, on a en VF. Donc, bah ouais, c'est voilà, ça. C'est ça. 70 après, balles pour faire un premier choix avant d'acheter éventuellement des belles éditions. Ah, c'est en sympa, fait, c'est ça. Ouais, moi, je sais que j'ai découvert. Enfin, il y a des comics. Hulk, par exemple, quand il les avait ressortis les derniers... Enfin, maintenant, ça fait un bout de temps qu'ils sont sortis, là, mais quand il les avait relancés, Hulk un peu plus sombre, là, je ne sais pas de qui, on ne me demandait pas, je n'ai pas la mémoire des noms. Immortal Hulk. Voilà. Wing, Joe Bennett. Je ne pas là-dessus. Désolé. Il y a quand même des divinités, quand même. Non, mais... Moi, c'est pas un personnage, à la base, que, voilà, je serais allé dans mon comic shop, Non, je l'aurais pas acheté, franchement. Comme tout le monde. Et voilà, là, tu l'as dans le Marvel, il te le propose en recommandation, tu commences à le lire et tu te dis, ah, mais... Ouais, non, finalement, c'est finalement, bon. J'avais raison. Il fallait pas l'acheter. Après, je sais pas, moi, des trucs comme Grand Design, voilà, je les ai lus d'abord là-dessus. Je les ai achetés après parce que je les ai kiffés en comment on dit? En ordinateur? En numérique. Merci, je perds mes mots. Donc voilà, après, voilà. Moi, j'ai pas de problème en particulier pour lire sur tablette. Je trouve que ça prend pas de place. En vacances, tu prends ta tablette, t'as tous tes comics dedans. Voilà, quoi. Ça n'empêche pas d'en acheter des vrais à côté. Oui, bien sûr. Et l'avantage de la tablette, c'est que tu as les vraies couleurs, du coup. C'est vrai. Comment ça, t'as les vraies couleurs? Comment ça? Bah, t'as pas couleurs... les recolorisations, par exemple, sur tout ce qui est un peu ancien. C'est ça, ça que le... Le papier, en fonction du papier, s'il boit les couleurs, ou comme vous avez sorti les Ultimate de Millar en Icons ou en Deluxe, c'est pas les mêmes couleurs. C'est parce que c'est pas le même papier. Alors que sur tablette, il y a les vraies couleurs choisies par les artistes. Et pour répondre à Ludo Verdoz, oui, t'as en plus toutes les vieilleries qui sont dessus. Et ça, c'est vrai que c'est sympa aussi. Oh, t'as Dragnir, t'as Pistolet à Bulles, t'as... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est totalement gratuit. Mais... C'est dégueulasse. Mais pas après 22h par contre, voilà. Faut les lire en journée. Ah, oui. Je suis désolé les gars. Mais j'avoue que si Panini faisait un Panini Unlimited, j'étais mieux là au niveau de l'accent. Unlimited, yes. Unlimited. Yes. J'avoue que ça pourrait être intéressant. Vraiment. Mais moi j'attends toujours le DC Unlimited aussi, quoi. Mais le problème, c'est qu'il existe, mais qu'il faut être américain pour s'inscrire, et ça m'énerve. Mais oui, on le sait. Oui, on en a déjà parlé, mais moi aussi. Tu utilises un VPN. Mais non, même pas, parce qu'en fait, pour s'inscrire, il faut que tu aies un compte qui soit lié à un compte en Amérique, un compte bancaire. Ils ont été jusqu'à ce niveau-là. Et pourquoi? Je sais pas, moi, c'est des cons. Je sais pas, ouais, franchement, c'est débile, je trouve. Bah, alors que moi, très franchement, mais je tue. Non, peut-être pas quand même, hein. Ça dépend. Ah, lui, si. Ça dépend qui, mais ouais, si vraiment il y a des cons, ouais, je peux. Ça peut se tenter. Tenterait, franchement, ça me fait super envie. Mais t'as pas une banque en ligne américaine sur laquelle tu peux ouvrir un compte? Je vais pas commencer à faire le con avec ce genre de truc. Mais donner ce genre d'idée à quelqu'un qui est confiné, c'est meurtrier. Je te le jure. Ah mais avant lundi, il a une adresse postale à Chicago. C'est sûr, c'est sûr. Et finis l'adresse de ton oncle, Jay. Des adresses postales, j'en ai déjà. Ah bon? Ouais, je me suis arrangé avec certains services pour avoir des adresses postales, ça va, ça. Ça se trouve. Ouais. Non, mais si t'as déjà les adresses postales, c'est bon, ouvre le compte. Ouais, mais non, c'est... Non, mais non, parce que c'est une adresse postale qui est liée à un autre service, qui est liée à un truc, enfin, voilà. Ok, ouais. On vient de débusquer un cartel de la drogue. Bah, un cartel pour juste récupérer directement en librairie, comic shop, pour moins cher, tout ce qui m'intéresse, par exemple. D'accord. Petit malin. Bon, on en parlera après. Ça reste du domaine du privé. Je suis désolé. Il y a des secondes soirées qui s'organisent à la fin des rubriques geek. Et vous n'êtes pas conviés sur le chat. Je suis navré. Après, là, maintenant, comme il n'y a plus vraiment de transport ni de comics qui sortent, ça va être compliqué. Oh, c'est pour quelques mois. Ouais. Ah oui, pour après. Par contre, du coup, ils ne sortent plus non plus en numérique. La ligne de beauté cette semaine sur le Marvel, on n'en a pas eu. C'est ça. Au niveau de la production. Hein. Marvel, ils ont baissé de 20%. Ils ont dit. Après, je trouve ça bien aussi. Voilà, ils se sont dit, on ne va pas les sortir que sur le numérique pour ne pas faire la concurrence. Ils voulaient, hein, quand même. Ouais, au début, oui, ils allaient le faire. Dès ça a tenté, les comic shops ont gueulé. Du coup, ça ne s'est pas fait. Il y a eu une autre tentative qui s'est mise, qui était vachement bien, qui s'appelait Comics Hub, qui aurait été trop, trop bien. En fait, c'était... tu pouvais passer par ton comic shop. Tu pouvais acheter ton truc. On te gardait en fait un truc physique qui allait arriver quand le confinement était fini. En attendant, tu avais le numéro en numérique. Mmh. Et même là, les comics shops ont gueulé. Du coup, ça se fait pas. C'est con, voilà. Je trouve que c'est pas mal ça. Bah ouais, et donc voilà au point où on en est actuellement. Ah, plus rien. Mmh. Voilà. Et pour un petit moment. Mmh. Mais bon, encore une fois, hein, je suis d'accord, ça vaut pas le papier, mais ça dépanne. Ça, c'est bien. Hein, parce que après. Quand tu as déjà beaucoup de comics dans ta collection, que tu n'as plus forcément la place même pour en acheter. Hein, parce que, voilà, tu veux rentabiliser l'espace. Quoi. Et puis que tout n'est pas bon à acheter, hein, pour être honnête. Hein, donc, Moi, je ne sais pas vous, mais moi, des comics en VO, j'en ai pas, moi, par exemple, dans ma librairie. Et moi, personnellement, j'aime lire la VO. Non. J'en ai un petit peu dans un truc d'occasion, dans un coin chez mon libraire. Et... Sinon, il y a vrai, il n'y a pas grand chose. Bah, c'est ça. Été, on a pas de VO. Sinon, il faut aller à Lyon, Comic Zone. Ouais, il faut vraiment un comic shop. En fait. Ouais. Bah, c'est ouais. Ça, ouais. Clairement. Mais bon, après, c'est vraiment, t'imagines, déjà les comics, c'est un secteur de niche. Alors, comics, VO. C'est compliqué, c'est... Hein, parce que tu peux pas les renvoyer, ceux-là. Si tu te plantes sur une commande. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ça, bah, ça existe dans certaines grandes villes et tu les trouves que à ces endroits-là. Hein. Enfin, merci. Excuse-moi, t'as l'air partir et t'as vu, je t'ai coupé la parole. Non, bah, j'avais donné 2-3 villes que je connaissais qu'ils faisaient au fil du temps. Mais voilà. Et bah, vas-y, je t'en prie, c'est le moment. Bah, si vous êtes sur Grenoble, vous pouvez tenter. Merde, c'était comment? Ah ouais, mais j'étais pas sûr. Voilà, Mais tu l'as coupé aussi. Hein. Bah ouais, c'est ça, ça m'a. Coupé ses effets. Et ben, je crois que c'était carrément la livrée de Glenna, du coup, il me semble. Tu faisais aussi du comics dedans. Ah, puisque Grenoble, c'est la ville de Glenna. D'accord. Voilà. À Bordeaux, il y en a un qui est vachement bien. Il y a Pulse. Ouais. Pulps, c'est là où il y en a pas. C'est ça. Bon, à Paris, ça, forcément, il y en a. Ça, il y a Album et tout ça. Voilà. Plein de choses. Et c'est tout. À Lille, putain, je me souviens plus comment il s'appelle à Lille. Ah merde, ça fait chier. Tu vois, je regrette de t'avoir relancé finalement. Ah ouais, non. Parce que... On sent que c'est long, tu vois. On sent que c'est long. Je suis désolé, City. Mais. C'est Astro City. Astro City. Oui, Astro City à Lille, ouais. Exact. Et Comic Zone à Lyon, évidemment. Comic Zone, c'est The Place to Be. Oh. Et on m'encourage à ouvrir mon comic shop sur Saint-Etienne. Alors, je vais te dire un truc. Je pense que je fais faillite en 3 jours. Non, faut vraiment qu'il y ait du monde. Et je suis pas du tout certain que ça marcherait. C'est vraiment, vraiment beaucoup trop un secteur de niche, vraiment. Et je te verrais tellement dans une dans une petite boutique là, à la Big Bang Theory. Ouais, tu me verrais comme le vendeur, là, celui qui a foutu sa vie en l'air, qui est sous antidépresseur. Merci, Michel. Mais avec une barbe. Je te verrais trop dans son rôle. Mais oui, complètement. Très bien. Alors sinon, quelques autres titres qui ont été rajoutés dans le chat. Merci les gars. Strasbourg Cyclops Comics. À Toulouse, j'imagine. Il doit manquer le S. BD dessiné. Donc, tac. Et Evil One Comics à Clermont. Tout à fait. Et celui dont on ne prononce pas le nom, sinon il apparaît derrière vous pour vous vendre de la raclette. Désolé, Benipi. Non. Désolé, Benipi. On veut bien être gentil. mais pas là. Non. Désolé. Et donc, mon cher SN. Tu vas nous parler, tu vois, c'est quand tu m'as dit ta geekerie, que tu allais nous parler du système Vega vegan en VO. Putain, on va dire Vega, hein, parce que le système vegan. Parce que vegan, c'est autre chose. Ça va vite me peser sur le système. et tu vois, je me suis dit, cet homme est bridé. Que ce soit dans les GG Comics, soit ailleurs, il ne peut pas parler de sa galaxie qu'il aime. Et ça me fait plaisir de te laisser, tu vois, le micro pour que tu puisses nous parler du système Vega. Et oui, c'est qui n'a rien à voir avec Goldorak. C'est ça, tout à fait. Ni avec Street Fighter, les jeux. C'est vrai. Et oui. Donc, le système Vega, pour moi, c'est le meilleur coin de l'univers DC, d'après moi, ma pomme et mon chien. Donc, autant dire un panel très représentatif. Donc, le système Vega... Alors déjà, il faut savoir que c'est un système qui existe pour de vrai, dans notre vraie vie à nous. Il y a une constellation qui s'appelle Vega, en fait, c'est l'étoile, en fait, c'est la cinquième étoile la plus brillante qu'on voit dans notre ciel, et c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Et donc du coup, elle est assez proche de nous, en fait, on la voit, donc du coup, vous imaginez bien que dans la fiction, on l'a utilisée pas mal. Voilà, il y a eu pas mal de films, il y a eu pas mal de jeux, par exemple Spaceball, on parle de Vega, Babylon 5, tout ça. Et en comics, et ben bizarrement pas chez Marvel, mais alors chez DC, putain. Chez DC, c'est devenu le seul endroit de l'univers qui est Green Lantern Free. C'est vrai. Et c'est trop bien. Parce qu'en fait, les Green Lantern, c'est vachement bien. Mais il faut de la variété dans ce monde. Putain de bordel de merde. Mais c'est un vieux vulgaire. Mais enfin. Oui. Je suis choqué. Il y a encore des vieilles personnes ici, attention. Ah, c'est vrai. On est à 22h30. Ah oui. Ouais, mais ça va bientôt se décanter. et donc, du coup, le système Vega est apparu pour la première fois dans un titre Green Lantern, quand même. Justement pour dire qu'on ne pouvait pas y aller. Le système Vega, c'est l'endroit où il y a à peu près toutes les pires raclures de la galaxie. C'est pas un secteur, donc. Enfin, Il n'est pas pris dans les numéros des Green Lantern, du coup. Alors, je sais pas s'il a un numéro, il me semble pas. Mais en tout cas, à un moment, en fait, on pouvait pas y aller. Et Geoff Jones a essayé d'expliquer pourquoi en disant que c'était là où il y avait l'agent orange. L'Arfise, ah, oui. L'Arfise, oui. Alors, ce qui est une réécriture de choses a posteriori. Le système Vega, c'est vraiment donc un système planétaire. Je vous ai mis une petite carte sur le côté. C'est un système planétaire où il y a 23 planètes. En plus, on voit Euphorix, Euphor, Goldorak. Tout à fait. et en fait, j'adore ce système parce qu'en fait, c'est un des systèmes galactiques les plus développés dans le monde des comics. Parce que là, ce que vous voyez, en fait, n'a pas changé depuis son apparition à la fin des années 70, début 80, jusqu'à maintenant. On est toujours sur cette configuration-là, on utilise toujours cette map-là. Et mine de rien, c'est assez rare qu'on fasse cette attention à un endroit extraterrestre. Et j'adore ça. Alors, le système Vega, son premier grand titre, c'est les Omega Men. Vous avez sans doute, vous les connaissez sans doute par le titre récent qui est sorti donc chez Urban. Mais les Omega Men, à la base, c'est une série des années 80. En durée, en fait, de 83 à 86. Et qui raconte, grosso merdo, exactement la même chose que ce qu'a fait Tom King, en fait. Tom King a à peu près fait juste une petite réactualisation en rajoutant Green Lantern. C'est tout ce qu'il a fait. Le salaud. Voilà. Non, mais par contre, il l'a très bien fait, donc ça va. Donc. Je sais pas, parce que il avait commencé à lire et il m'a dit « Oh putain, mais c'est quoi cette merde ?» Du coup, je l'ai pas lu. Hein. Oh, donc, pas tant, pas tant. Oh, ah, si, hein. Oh là. Ah, si, quand même. Oh. Ah, ce qui se dit en privé, on relativise, tu vois. Non, mais j'ai pas... franchement, j'ai pas accroché au début. Vraiment. Bah, c'est compliqué parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir dans les comics. Et c'est déjà des choses qu'on pouvait voir dans les années 80, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas te parler de récits de super-héros ou de choses comme ça. On va te parler de combattre un empire totalitaire. C'est-à-dire que le système Vega est sous la coupe d'une organisation qui s'appelle la Citadelle. La Citadelle, c'est vraiment des gros connards. Genre, on peut bouffer les autres membres, les autres espèces, c'est pas grave. Un dimanche comme un autre. Voilà, c'est ça. Normal. Et donc en fait, vraiment, ça fait en fait des millénaires que en fait la Citadelle gouverne tout ça. Et donc t'as des groupements des différentes races qui s'appellent donc les Omega Men qui cherchent en fait à renverser la Citadelle. Figurez-vous qu'ils vont réussir dans leur série et que le titre va être changé et que avec un changement de scénariste et que du coup ça va devenir un titre un peu plus space opéra, un peu plus banal au fil du temps. Quand on va perdre en fait son premier scénariste qui est Roger Slipher, qui n'est pas du tout connu. Et c'est dommage parce qu'en fait il est parti juste après avoir fait Omega Men. C'est très triste. Alors, pour ceux d'une certaine époque, il a quand même fait des bonnes choses puisqu'il est parti faire des dessins animés, il a fait Transformers, G.I. Joe et Jem et les hologrammes. Non, Jem. Ah merde. Ouais. Voilà. Et donc au dessin, on avait Keith Giffen au début, donc Monsieur Lobo, Monsieur Justice League International et plein d'autres choses. Et très franchement, c'est un titre extrêmement mature. Je vous conseille vraiment les Omega Men des années 80. C'était même sorti en français chez Artima. D'accord. Ah ouais, peut-être bien, ouais. Ouais. Et c'était même pas censuré chez Artima. Et en fait, quand tu lis en fait le truc, tu te demandes mais comment ça a passé le Comics Code? Quand je dis qu'on peut voir des gens manger d'autres gens, c'est littéralement la première page. D'accord. Voilà, la première histoire, ça a fini quand même sur des bombes atomiques qui détruisent des cités. Enfin voilà, c'est pas mal. Ouais, bon enfant. On est sur un gros truc. Un petit coin d'espace sympa, donc. C'est ça. Bah, en fait, généralement, c'est l'endroit, le système Vega, où il y a un peu toutes les pourritures. Il n'y a pas que des pourritures. Je viens de me rendre compte que donc, dans la légende, c'est la patrie de Starfire se trouve là. Donc. J'allais y arriver. Oh là là, t'as spoilé. Ah merde, désolé. Du coup, je vais passer sur Tamaran dessus. Mais moi, du coup. Les gens qui coupent sans cesse comme ça me révolte. Non, pas de soucis. Si vous regardez bien la petite carte, je suis désolé pour ceux qui sont en podcast. Vous voyez un anneau, il y a marqué Ring of Life en fait. C'est l'endroit où on est suffisamment loin du soleil pour pas qu'il nous brûle. S'il est trois fois plus brûlant que le soleil, mais quand même dans la surface habitable. Il a un autre nom, ça s'appelle la couronne de Xal. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que Starfire jure en disant par la couronne de Xal, en fait, elle parle de ça. Mmh. Voilà, c'est pas un truc monarchique, c'est vraiment tout le secteur vivable dans leur galaxie. Et justement, en fait, tout ce truc de Xal, en fait, c'est lié, en fait. C'est une espèce de déesse dans le système Vega liée à leur histoire, en fait. La première raison un peu pour laquelle les gardiens n'y allaient pas, c'est parce qu'en fait, ils y sont passés il y a très très longtemps, quand ils n'étaient pas encore les gardiens de la galaxie, en fait. Ils sont passés quand ils étaient encore pas encore atteints l'omnipotence, on va dire. C'est juste des Malthusiens. Et ils ont fait des expériences sur les races qui vivaient là, en fait. Mais des trucs de dingue, hein, genre on prend différentes espèces, on les fait se reproduire entre eux pour voir ce que ça donne. Ça donne pas les Gumman. Mais d'autres choses. Et donc c'est ça, en fait. La plupart, en fait, des races du système Vega sont un peu croisées entre elles et viennent du fait que les gardiens, en tout cas leur version prototype, aient fait ces croisements. C'est pour ça que pendant un moment, en fait, ils y sont pas allés. C'était un peu de la honte. Et du coup, les gardiens, c'est quand même des fiéfés enculés. Hein. C'est ça. Et Geoff Jones a changé un peu ça, sans doute parce que les gardiens étaient déjà suffisamment des enculés dans son run. Et du coup, ouais. C'était devenu cette histoire avec l'agent orange. Voilà. Mais ça, voilà. Donc du coup, pendant un moment, ils ont pu retourner sur le système Vega, les Green Lantern, puisque l'agent orange avait commencé à bouger, donc ils avaient de nouveau le droit. Et par contre, très vite, ils ont trouvé un nouveau truc. Pour changer ça, ils ont fait revenir la Légion. Alors, la Légion, c'est pas la Légion des super-héros, le truc du 31e siècle, c'est un autre titre cosmique de DC que j'aime beaucoup. C'est en fait une milice, c'est une police privée. Qui est du coup, en fait, tous les mondes qui veulent pas être sous la coupe des Green Lantern peuvent aller dans cette milice. Légion, ça veut dire License Extra Governmental Interstellar Operative Network. Oh, parce qu'on aime faire beaucoup. Après, hein. On aime beaucoup les acronymes. Toi, on va pas réussir à te piquer sur le système Vega, on va pas se mentir. Je crois qu'il a sa carte, hein. Il est membre. Ouais. Non, mais du coup, vraiment, c'est une. Donc du coup, c'est cette milice-là qui du coup va reprendre le contrôle de ce système planétaire et qui va faire que du coup, il n'y a toujours pas de Green Lantern. Et puis après, il y a eu le New 52 qui est arrivé, donc on est revenu à la base avec la Citadelle et pour l'instant, on est à ça. Et c'est donc ce qu'on a pu voir avec la série de Tom King. C'est pas le système Vega, c'est pas là où il y a Thanagar, tout ça. Si. Ah, je savais que j'en avais entendu parler. Non, merde. Non. C'est Thanagar. Mais par contre... c'est un peu lié, puisque du coup tu parles de Thanagar. Si tu parles de Thanagar, tu parles de Ran quelque part. Tout à fait. Qui est la planète d'Adam Strange. Et donc, avant qu'on refasse l'univers d'ici avec Flashpoint et tout ça, en fait, Tamaran s'est fait détruire. C'est arrivé, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et il se trouve qu'en fait, Ran s'est retrouvé à la place de l'orbite de Tamaran. Du coup, en fait. On a Jules qui propose, vu que c'est vegan, il propose Végéga, comme Végéta. J'ai trouvé ça bien. Je valide Végéga. On peut. Et non, donc Vega, c'était pas un gars dans Street Fighter. Enfin, si, mais pas celui-là. C'est pas ça. Du coup, Ran s'est retrouvé à la place de l'ancienne Tamaran. Et donc, du coup, il y avait, en fait, dans l'hémisphère nord, les habitants de Ran et dans l'hémisphère sud, les habitants de Tamaran. ils avaient réussi à faire ça, mais enfin bon, c'est. Ils ont essayé de recréer trois planètes qui s'appelaient New Tamaran à chaque fois, ils se la sont fait péter, donc au bout d'un moment, ils ont abandonné, quoi. C'est vraiment l'endroit où vivent les certaines des races les plus chiantes de la galaxie. Il y a les psions qui en fait ont des pouvoirs psychiques. Ouais, trop fort. Il y a les Kund qui sont en fait des gros bras. Il y a la Spider Guild qui est en fait une guilde qui essaye de te bouffer juste. Et il y a plein d'autres choses vraiment, c'est le trou du cul de la galaxie. C'est l'endroit où il y a tous les connards. On a déjà l'agent orange à la base. C'est ça. Et donc, en fait, si vous voulez lire un vrai titre cosmique chez DC, moi, je vous recommande toujours tout ce qui se passe dans ce système-là. Là où c'est bien la merde. C'est ça, mais du coup, parce que c'est vachement intéressant. Les Omega Men, ça a été super intéressant. Les titres Rebels, du coup, qui sont faits un peu avant Flashpoint, là où se trouve la Légion, du coup, c'est aussi super. Et la reprise par Tom King est aussi très très bien. Je crois que j'ai essayé cette reprise par Tom King. Ouais. Et il y a aussi quelques épisodes des New Teen Titans qui se déroulent là-bas, puisque Starfire. Eh bien, j'ai envie de te remercier. Alors, bon, on a quand même définitivement perdu mon frère. Mais ça, voilà. Ça... J'étais sur Goldorak. Mais j'ai pas entendu parler d'Actarius. C'est... Non, moi j'ai compris qu'on l'avait perdu quand il m'a dit « Celui qui parle du système Vega, c'est Yanda ?» Non, rien à voir. Non, il est pas dans l'émission, Yanda. Il est ailleurs, il est chez lui, il est pas là. Merde ! Accroche-toi un peu, s'il te plaît, Sylvain. Accroche-toi. Voilà. Mais je pense qu'il aurait aimé en parler. Si on doit reprendre, tu vois, une métaphore du cyclisme, mon cher Dramout, là, on peut dire que mon frère est un sprinter et qu'au premier col du système Vega, il a pété. Voilà, et... Ah ouais, mais... Il est dans le groupe Eto, c'est mort. Il est dans le groupe Eto, ouais. Il espère arriver jusqu'à la fin de l'émission et arriver dans les temps pour pas être éliminé. Bref. On va partir sur quelque chose de... Bah, en tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. De rien, c'est vraiment un système planétaire que je trouve assez unique dans l'histoire des comics par le fait qu'il n'ait pas bougé et qu'il ait une vraie histoire qui continue dans le temps. Et tu vois, c'est typiquement le truc comment dire, qui me fait dire que ta chaîne, elle est à part de tout ce qu'on peut trouver, si tu veux, un petit peu sur YouTube, parce que c'est typiquement le genre de truc qu'on peut retrouver pour avoir des informations voilà, sur des trucs. Le système Vega, franchement, j'ai jamais vraiment calculé ce que c'était avant que t'en parles ce soir. Et c'est forcément un plaisir que d'en apprendre un petit peu plus, sincèrement. J'ai juste une question, parce que j'avoue, oui, je me suis absenté un instant. Si on doit lire un ou deux comics encore trouvable aujourd'hui, qui parle bien du système Vega, donc tu conseilles quoi ? Je conseille du coup, on va dire, les deux extrêmes des Omega Men. La reprise par Tom King, elle est vachement bien. Et si ça peut se trouver encore, sans doute, la version Artima, en tout cas les premiers, c'est-à-dire en gros, si tu peux aller jusqu'au 16e numéro VO. C'est vraiment une excellente série. C'est jusqu'à ce que Roger Slipher se barre, en fait. Ok, non, parce qu'à chaque fois que je viens dans cette émission, je fais ma liste de courses. Ah. Et donc, je rajoute. Et donc, moi, c'est pareil, c'est pour ça que je viens plus. Tout ça est... Et donc, du coup, tout ça est en VF, puisque Artima avait fait même une traduction pas mauvaise. Vraiment, c'était sur la fin d'Artima, et sur la fin, Artima, ils ont tout donné. Eh bien. Ok, donc, merci. Merci beaucoup. Jules rajoute manger sans gluten. Et voilà. On... Okay. Très bien. On peut pas rêver meilleure conclusion. Et donc, mon Spider-Man, c'est à toi. Et tu vas nous parler d'un titre qui a fait des bombes et qui est. Il s'est sorti en France ou pas, ça ? Pas encore. Pas encore. Et tu vas nous parler. En VO, c'est pas encore sorti complètement non plus. Ah, c'est qui ? C'est Sarah Piccelli qui a du retard ? Merde, vas-y, je t'en prie. Parle-nous du Spider-Man de la famille Abrams. Oui, de la famille Abrams. Voilà, on avait entendu il y a quelques mois, donc l'année dernière, Ça avait fait grand bruit parce que Marvel avait teasé une annonce. On pensait même que c'était le quatrième film de la trilogie de Sam Raimi qui allait débarquer. Non, donc c'était Abrams qui débarquait sur une mini-série Spider-Man en 5 numéros. Après, on a vite appris en fait que c'était son fils, donc Henry Abrams, qui scénarisait donc l'histoire et que son papa allait un peu superviser le tout. Donc moi, personnellement, j'étais pas hypé par ça parce que J.J. Abrams, j'aime beaucoup ce qu'il fait au cinéma, mais pour moi, voilà, il a dans l'univers des comics. Il a rien fait quoi, donc j'y allais en mode bon, on verra quoi. J'étais même fait disputer par Panini parce que j'avais dit ça, que je m'en foutais un peu. Tu t'étais fait gronder. Je m'étais fait gronder, oui. Ils m'ont dit non, mais c'est du Abraham, je dis ouais, mais je m'en fous. Et bref, donc j'ai lu les deux premiers numéros, donc le troisième j'ai lu aujourd'hui, mais j'y reviendrai plus tard dessus. J'ai lu donc les deux premiers numéros, et on est sur un what if tout juste moyen, en gros. C'est il y a eu beaucoup de what if sur Spider-Man, des pas bons et du très bon, comme renouveler ses vœux. Et là, on est vraiment sur quelque chose de moyen qui part direct dans une direction qui m'a pas vraiment plu en fait les deux premiers numéros, parce qu'on se concentrera pas vraiment sur Peter Parker. De plus, je trouve le comportement de Peter dans ses numéros pas logique en fait par rapport au Peter que nous on a l'habitude de connaître. Donc ouais, ça m'a laissé un peu perplexe. Et aujourd'hui donc j'ai lu le troisième numéro, donc parce que les numéros 4 et 5 ils avaient pris du retard. Le 4 devait sortir là en avril, le 8 je crois, 8-9. Bon, le problème c'est que vu qu'il y a tout qui a pris du retard, on sait pas vraiment quand ça va sortir. Donc j'ai lu le numéro 3, et le numéro 3 il y a quelques références en fait qui sont, je dirais, piquées au MCU, dont la menace principale et le pourquoi de cette histoire se clarifie. Et au final, en fait, on a vu ça un peu dans un film Spider-Man déjà. L'intrigue principale, en gros, on l'a déjà vu dans un film Spider-Man. Donc, je suis resté un peu con en fait quand j'ai lu ça. Et je me suis dit, là, arrive au numéro 3, je fais OK, c'est même pas original en fait. Ça prend une tournure, ça pique un peu dans tous les trucs, on dirait un peu un peu quelques petits rappels à Oldman Logan, ou un peu à renouveler ses voeux Spider-Man quand ça se passait dans l'event Secret Wars. Ça pique des petits clins d'œil au film. Sarah Pichelli, c'est tout juste bon, j'ai envie de dire, ça fait le taf. Et trois numéros sur 5, et on est sur un what if tout juste moyen pour moi, donc c'est dommage. Dire pourquoi pas, hein. Après voilà, c'est, on va voir, mais non, ouais, là, je suis déçu. Dramout, je suis sûr que t'as envie de nous dire des choses. Non, moi personnellement j'aime bien, mais j'attends la fin pour réellement juger complètement. Moi, je trouve que justement, ça change et je retrouve pas les trucs que j'aime pas chez Spider-Man, justement. Donc, ça me plaît. Ouais, mais bon, t'aimes pas Spider-Man à la base. Bah oui, mais justement, c'est que je retrouve pas les trucs qui machin. C'est-à-dire que pour moi, on sort du Peter Parker qui m'énerve dans Spider-Man. On sort de la grosse partie des récits de super-héros qui me lassent un peu ces derniers temps, etc. Donc, justement, je trouve que c'est des trucs où je retrouve pas en fait ce que j'aime pas. Donc du coup, pour le moment, moi ça me plaît en fait. Mais j'attends quand même la fin pour juger complètement. Et je sais pas, Vanessa, si t'as eu l'occasion de les bouquiner. Le premier seulement. Et puisqu'il est sur le Marvel Unlimited. Sympa. Pas inoubliable. Honnêtement, il a fallu que je refeuillette un peu les pages en vitesse pour me le remettre en tête, pour me souvenir exactement. Pareil, la personnification de Peter Parker, ça m'a un peu chiffonné. La tante May qui ne vieillit pas, bon, ça c'est c'est Aliander. Ouais, c'est ça, c'est pas faux. C'est Elle a le même âge que quand je l'ai connue avec Peter, donc je sais pas, je sais pas comment elle fait. Faut qu'elle elle me donne son secret. Ça doit être ça. Après voilà, franchement, je vais pas juger plus. J'en ai lu qu'un, donc j'irai lire la suite par contre, parce que je suis curieuse. Je vais pas me précipiter sur celui-là en premier non plus. Faut regarder dans la globalité, quoi. Ouais, voilà. C'est là où ça sera où c'est globalité, plus mais ils ont prévu combien de numéros. Il y a déjà 5. Mais ouais. Moi, ce que j'ai découvert dans le numéro 3, ça va être l'intrigue principale pour le reste, je suppose. En tout cas, je vois pas comment ça peut devenir bien meilleur d'un coup. Et là où ça va, je trouve pas ça top, perso. Et toi, mon cher SN, t'as pu le bouquiner ou pas? Alors, moi, j'avais lu le premier numéro parce que je l'avais reçu dans un truc de Noël secret. C'est quoi ce Noël secret? Oh, c'est mignon, le père. C'est des gens qui s'envoient des cadeaux, mais on sait pas ce que c'est. Voilà. Personne m'envoie rien, moi, bande de salauds. Et... Comment t'aimes pas, toi? c'est des amis pour ça. C'est ça, voilà. Vas-y. Et donc, du coup, je l'ai lu à Noël et tu vois, j'ai déjà plus trop de souvenirs. Donc, c'est voilà. Ouais. C'est la semaine dernière, tu vois, j'avais pas de souvenirs non plus. Donc, hier d'ailleurs. En tout cas, le premier numéro, ouais, m'a pas emballé plus que ça. Je me souviens d'un truc passable, ça passait, c'était ouais, ok. Mais tu vois, si je me suis pas dit, ah oh, bah tiens, je vais aller lire la suite, c'est que ouais. Ça part déjà mal. Disons que par rapport à toute la pub qu'ils en avaient fait avant, en effet, sur les réseaux avec le compte à rebours et oui. Oui, ils ça... ont fait monter, puis peut-être trop justement, peut-être que ça a tellement monté que finalement, quand tu l'as, tu dis ah c'est ça. Le nom de du comic shop qu'on n'a pas cité tout à l'heure parce qu'on ne prononce pas le nom. Mais je si, me souviens on que peut le prononcer, enfin, bon, on s'en fout. Non. Voldemort. Yeah. Voldemort, voilà. Voldemort dans l'une de ses vidéos, au premier numéro, il avait dit c'est magnifique, on n'a jamais fait ça. Abrams nous donne vraiment ce qu'on veut lire sur Spider-Man. Non, là c'est vraiment pour vendre. Hein, c'est voilà, faut pas abuser quoi. Et voilà. Pour répondre à Comic Discovery, est-ce que c'est joli au moins? C'est joli. Oui, mais c'est pas du grand Sarah Pichelli. Voilà, l'époque, c'est ça. Elle a fait mieux, mais oui, on peut pas dire que ce soit mauvais. Ah non, c'est joli, mauvais, mais c'est pas beau, c'est joli. Elle a déjà fait mieux. Exactement. Disons que sur 5 épisodes où t'as la famille Abrams, ça aurait été bien d'avoir le top du top. Mais bon. Après, la découverte d'Olivier Coipel. Voilà. Ouais, et des intérieurs d'Olivier Coipel, ça, là, je pense que ça aurait été nettement plus sympa, mais bon. On a quelques réactions qui me plaisent énormément. On a Ludo Verdos qui nous dit Tante May a trouvé le puits de Lazare de Ra's al Ghul, et Jérém qui l'appelle Tante MacLeod. Et ça, j'aime bien. Tante MacLeod, c'est très très bon. C'est... Il restera Valérie Giscard d'Estaing, la reine d'Angleterre et Tante May. Le dernier round, ce sera ces trois-là. Oublie Le Pen. C'est vrai, putain. Non, lui, je pense qu'il il est caché là. Et ah, caché, j'espère. Petit, et le premier qui renifle à côté de lui, il fait la gueule. Hein. J'espère qu'il est pas trop caché. Ah bah ça après. Non, bah en même temps, il va pas durer 20 ans de plus. Hein. Par contre, je veux lire Tante May 2099. Ouais. Non, c'est vrai. Non, ça existe pas quand même. Il y a eu une mention un jour pour des blagues faites entre membres de l'équipe Marvel. Il y a moyen de faire quelque chose quand même, je pense. Ouais. Oh, pff, mais c'est. C'est... Ah, mon frère valide la blague sur Le Pen, hein, je tiens à le dire. il est tout à fait d'accord. Il exulte. Oui, qu'il crève, le vieux, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et donc, c'est à moi d'enchaîner, et ça va aller très très vite, parce que j'ai pas forcément énormément de choses à vous dire dessus, puis j'ai pas forcément énormément préparé non plus. Je me suis mis à regarder la série Hunters sur Amazon Prime. Et en plus, je l'ai même pas demandé à mon tonton américain. J'ai vraiment Amazon Prime, hein, sans déconner, hein, vraiment pour le coup. Je le paye et tout. Ouais, vrai. Il fait comme moi, il est dans le mois gratuit là, non? Non, pas du tout. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais on va encore. Non, on en parlera pour l'émission si vous voulez. C'est un remboursement d'Amazon pour un truc qui s'est mal passé. Moi aussi, ils ont essayé de me le vendre comme ça. Non, même pas. Mais je vous l'ai fait en cours. Je pense que j'ai dû à un moment donné acheter un truc sur Amazon et le payer en plusieurs fois. De souvenir une machine à laver, et je suis pas certain, mais le pire c'est ça, et je me suis rendu compte il y a 3-4 semaines, les gars, si je dis pas de conneries, en fait que j'étais abonné à Amazon Prime, quoi. Mais t'as dû payer, ils ont dû débiter 50 mais euros. Oui, mais c'est ça, c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. C'est que la première fois, les 50 premières balles, je ne l'ai pas vu passer. Et, ah. Et là, je vois, voilà, tu sais, prélèvement d'une cinquantaine d'euros. Ah, mais c'est pas quand t'as pris, genre, ils t'ont proposé la, la livraison rapide en un jour ou deux, et t'as cliqué. C'est vrai que, ouais, des fois... Parce que généralement, ils font ça pour la livraison. Ils te le proposent en gratuit au départ, en disant, ah, on vous l'offre, et puis un sans mois. Te dire, t'es, voilà, un mois. Après, et puis après, et ben voilà. Et ben, du coup, je l'ai, là, du coup, je suis parti pour un an. Et tu l'arrêtes quand tu veux. Hein. Ouais, mais bah, du coup, c'est pas mal. Oui, en même temps, là, ça passe autant. Du coup, j'ai voulu me taper Hunters parce qu'il y a quand même un casting. Honnêtement, voilà, il y a Al Pacino. Donc, ne serait-ce que pour Al Pacino, j'avais envie d'aller voir ce que ça pouvait donner. Et il y a aussi celui qui joue Ted Mosby dans How I Met Your Mother. Ah, il est là. Ouais, il est là, j'ai halluciné. Et il existe encore. Et mais ça va, ça joue plutôt pas mal, ouais, y a rien à dire. Alors le pitch, il est relativement simple, mais enfin le pitch est simple, mais l'histoire est vraiment géniale. On va suivre une bande dans les années 70 de chasseurs de nazis. Il y a tout un tas de nazis en fait qui se sont retrouvés sur le sol américain. Alors comment, pourquoi? Bon, on a les faits historiques, on sait qu'il y a des nazis qui ont été récupérés par l'Est et par l'Ouest, notamment pour réutiliser les connaissances scientifiques. Donc on sait qu'il y a réellement dans notre histoire des nazis qui ont débarqué aux USA et en Union soviétique par ce biais-là. Mais a priori, là, on est dans une histoire où on a énormément de nazis qui sont cachés un petit peu de partout, des anciens meurtriers de masse, des anciens SS. Et un nouvel élan, un petit peu comme l'Hydra, si vous voulez, qui essayerait un petit peu d'opérer en sous-main et qui serait en train de préparer l'avènement du 4e Reich. Et on se retrouve à suivre, en fait, parallèlement, donc, ces chasseurs de nazis. Et parallèlement, une enquête du FBI qui enquête sur deux trucs. Des nazis qui, a priori, seraient sur le territoire américain, mais qui, en même temps, se feraient buter par d'autres gens. Et là, j'ai regardé, il y a une saison, 10 épisodes, j'ai regardé les 3 premiers épisodes, et vraiment, je ne peux que vous le conseiller. C'est tout bonnement génial. Il y a un petit côté tarantinesque, si ça se dit, tarantinesque, c'est bien. Un petit côté Inglourious Bastard. Léger, très léger. Et en même temps, ça joue forcément sur des thèmes qui sont assez profonds et assez intéressants. Voilà, la vengeance, le nazisme, voilà, et puis sur des... alors évidemment, c'est scénarisé, tout ça, mais c'est quand même basé sur des choses qui ont existé. Il y a des gens, des juifs, qui ont chassé, qui ont traqué les anciens dignitaires, les anciens nazis, les anciens SS, pendant des années et des années. Il y en a évidemment des très célèbres, comme les Klarsfeld, etc., etc. Et donc, du coup, on est un petit peu là-dedans, mais avec un côté... vraiment tarantinesque, c'est-à-dire que dans l'équipe, on a une espèce de... Ted Mosby, celui qui joue Ted Mosby, il est une espèce d'acteur ancien cocaïnomane, un peu complètement déjanté. On a une nonne, un vieux couple de juifs d'une cinquantaine d'années, un chinois qui porte une kippa, alors là, pour l'instant, on ne sait pas trop où c'est qu'il en est, une black avec une coupe afro, enfin, tu vois, on a un petit peu des stéréotypes comme ça qui sont un petit peu survitaminés, surgonflés, comme on peut avoir dans les films de Tarantino, et ça fonctionne très très bien. Et voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a déjà commencé ou qui a déjà regardé cette série en entier. En tout cas, moi, c'est un vrai coup de cœur. Et je vais aller au bout, là, c'est sûr et certain. En tout cas, de cette première saison. 10 épisodes. Il y a combien de saisons? Une. D'accord. Une saison. Une pour l'instant. Et le premier épisode, c'est 1h30. Et les 2 épisodes suivants, c'était 1h. Ah, c'est quand même des bons épisodes. Ah, ouais, carrément. Mais c'est vraiment bien. Moi, honnêtement, je vous... On est un petit peu dans le même principe que les comics, et avec cette profusion de séries qu'on peut avoir sur Netflix, tout ça, la concurrence est extrêmement rude. Donc il faut évidemment une tête d'affiche pour donner envie d'aller voir le premier épisode, et je pense qu'Al Pacino remplit ce rôle, mais en même temps, c'est pas simplement une tête d'affiche pour faire venir les gens, il a un vrai rôle. Mais je trouve que c'est. Il interprète plutôt bien son personnage, mais immédiatement, on va dire dans les 10 premières minutes de la série, vous pouvez savoir si le ton, si l'accroche va réussir à prendre sur vous, parce que d'entrée de jeu, ça démarre très fort. Voilà. D'accord. Ça donne bien envie. Non, c'est vraiment très très bon. Je sais pas si quelqu'un de vous a déjà regardé cette série. Non. Du tout. Non. Eh bien, merci. On va appeler mon frère pour lui demander. Tu peux appeler Nico. Ouais, Nico, il doit être comme Nico, un. Nico, il doit connaître là, Nico. Nico, a priori, si je dis pas de bêtises, on en a parlé. Il finit le maître du Haut-Château, il va partir là-dessus après. Ah, il s'est vraiment nazi quoi. Ouais, mais enfin, là, nazi un jour. Là, enfin, c'est ouais, c'est enfin, ouais, vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment vraiment ultra gore, mais vraiment bien fait. Enfin, franchement, ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez le cinéma, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Ça peut vraiment être un truc qui vous plaît. Et on va passer à ta geekerie, Vanessa, ta dernière geekerie, et tu vas nous parler d'un podcast. Alors comment ça, tu parles de la concurrence? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Pas un problème? Pas du tout. Tu sais bien que chez nous, franchement, on n'a pas vraiment de concurrence. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas de concurrence. Ah, mais c'est pas du comics. C'est qu'on s'en fout. Nous, ça nous fait plaisir. Mais vas-y, je t'en prie. Alors, c'est un podcast que j'ai découvert grâce à mon cher et tendre. C'est-à-dire qu'on était en vacances, il avait ses écouteurs et il pleurait de rire tout seul, comme ça, à écouter des émissions. Je suis mis. Qu'est-ce qu'il écoute là? Donc moi, je suis curieuse, hein, et puis aucun respect de la vie privée, j'ai forcément écouté ce qu'il écoutait. C'est la vie de couple. Hein. Et en fait, c'était un podcast qui s'appelle 2 heures de perdu, qui porte bien son nom. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît, ça fait partie, en fait, c'est un collectif, on va dire, aussi, qui s'appelle Fréquence Moderne à la base, et ils ont plusieurs podcasts comme ça. Donc, il y a sur le sport, sur la culture générale aussi, très intéressant, Culture 2000, 20 minutes avant la fin du monde, etc. Mais le podcast phare, quand même, c'est 2 heures de perdu. Donc, c'est un podcast qui existe depuis 2014. Ah oui. Donc, ouais, il y a de quoi faire. Ils en sont à leur 6e saison. Et en fait, moi, j'ai, pour raconter un peu ma vie, 36-15 My Life, j'ai à peu près, ouais, référence de vieux, 45 minutes de route pour aller bosser. Quand j'allais bosser, et 45 pour revenir. Et comme à la radio, bah, il n'y a rien, j'écoute des podcasts. Et celui-là, mais c'est juste à mourir de rire, quoi. Moi, je suis toute seule au volant, j'ai des gens qui me regardent, mais je rigole, j'arrive au lycée, je suis détendue, les élèves m'ont fait chier, je repars, je rigole dans la voiture, je rentre chez moi à nouveau détendue, et c'est trop bien. Et en fait, le principe, 2 heures de perdu, c'est qu'ils regardent un film que les auditeurs ont mis au choix-pot. Donc, on leur propose un film. Ils le regardent et après, ben, ils le racontent comme ça, quasiment scène par scène, avec toute la mauvaise foi, mais gentille, bien sûr, hein, qu'on peut avoir dans un podcast comme ça. Mais c'est juste trop drôle, quoi. Alors, ça peut être de tout, hein, comme le film. Moi, j'ai Gods of Egypt, ils ont fait Cube, L'Exorciste, Ghost. Ça fait, dépend vraiment de ce qu'on leur propose. C'est des mecs qui s'y connaissent en plus à la base, hein, qui travaillent déjà un peu dans le milieu du cinéma, etc., etc. Mais c'est juste, franchement, si on aime ce genre d'humour, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même du second degré, accepter qu'un film qu'on adore se fasse démonter, hein, parce que moi, ils ont démonté des films que j'adorais, mais c'est pas grave. Mais après, ça te donne envie de les revoir, et t'es obligé de rigoler avec eux, de dire... Ah ouais, quand même. Je veux dire, ils m'ont détruit Matrix, ils m'ont détruit les Goonies. Mais t'es obligé de rire avec eux. Donc franchement, si vous connaissez pas, en ce moment-là, on n'a pas trop... Je sais pas quoi trop faire. Bah, 2 heures de perdu. Moi, je l'écoute sur Podcast Addict. Je sais qu'ils sont aussi sur iTunes. Je pense qu'ils doivent être sur toutes les grandes plateformes. On peut même y trouver sur YouTube parce qu'ils ont fait quelques lives au Bataclan. Ils remplissent le Bataclan quand même. Oh. Ah ouais, ils remplissent le Bataclan. Ils font en ça. 20 minutes en plus. Ah ouais, c'est. Ah bon, les places, t'arrives pas à en avoir, quoi. Ils sont sur scène, ils ont chacun leur micro, t'as le public et ils se racontent comme ça le film. Et moi, j'adorerais aller les voir au Bataclan un jour, quoi. Franchement. Ouais, c'est toujours un peu la même équipe. Enfin, là, y en a... ça tourne un peu, mais il y a Antoine, il y a Michael, je suis fan de Michael, il y a, je crois que c'est Julie, Sarah. Et puis, à force de regarder les podcasts, il y a des petites phrases comme. Bon, après, c'est des private jokes qui rigolent bien, quoi, avec les monsieur le maire, les eaux stagnantes et tout, mais il faut avoir entendu quoi pour comprendre. C'est vrai que ça ressemble à de la private joke, mais c'est toujours bien les private jokes. Ouais, ouais, ouais, c'est trop bien. C'est important, c'est les private bien. Jokes, toujours. Comme quand on parle ouais. d'hélicoptère et de rase-motte, salaud. Et après, encore une fois, moi j'ai un peu écouté aussi leurs autres podcasts comme Culture 2000 où c'est pas du tout le même style. Là, ils vont parler de Galilée, de l'Afrique, du féminisme, mais un peu vulgarisé, mais aussi toujours super intéressant. Celui sur le sport, je l'ai jamais écouté, donc je vais pas en parler de celui-là. Mais non, franchement, si on aime le cinéma et qu'on a envie de rigoler un coup en écoutant des gens de mauvaise foi démonter des films, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je sais pas si quelqu'un connaît. Pas du tout. Bah si, apparemment. Je vais écouter du coup. Bah non, je ne connais pas, mais ça me fait envie. Ça me fait penser à d'autres podcasts que je connais un peu dans le principe, mais. Il y avait Spoiler Arrière, par exemple, qui avait fait ça sur certains romans ou sur des épisodes de Top Chef ou des trucs comme ça. Mais bon, ça commence à dater un petit peu. Donc, mais du coup, le principe, je vois ce que c'est. Et ça, sur du cinéma, ça peut me donner super envie. Surtout que là, je suis en train de regarder la liste des films qu'ils ont. Et ouais. Ah, ils en ont des bons. Hein. Encore une fois, c'est le public qui choisit. Donc, il y a des moments, tu les entends qui râlent parce qu'ils disent « Oh non, on va être obligé de regarder celui-là ou celui-là ou celui-là. » Mais après, franchement, ouais, ils sont. Bah, comme ils se discovery, les meilleurs podcasts francophones, mais carrément, pour moi. Tous les... Alors, ils sortent, là, je ne sais pas avec le confinement si ça continue, mais normalement, ils sortent un épisode tous les mercredis de mémoire, parce que sur la page Facebook, là, j'ai vu qu'il y a. Ouais, là, comme nous, comme par hasard. Ah ouais, la concurrence. Elle nous le dernier, c'était quoi ce film là avec Keanu Reeves et Patrick Swayze là, avec le surf Point Break. Point Break, ouais, Point Break. Voilà, bah, je crois que c'est le dernier qui est sorti la mercredi. Et juste avant, je vois il y a Eragon. Ah mais. Et lui, moi, il mérite d'être défoncé. Dramo, je suis sûr que tu connais. Ouais, parce qu'en plus, ça reprend ce qu'avait fait Karim Debbache avec The Room à l'époque, encore avant. Et donc du coup, moi quand j'écoute 2 heures de perdu, ça me fait un peu vivre ce que j'aurais pu vivre avec Karim Debbache. Bon, en même temps, des fois, ça me fait regretter ce que je me dis, il aurait pu être Karim Debbache qui fait ça. Mais voilà. Et bien, moi, je vais aller les voir en live avec Comics Discovery, parce qu'il dit qu'eux aussi, ils veulent aller voir. J'adore Karim Debbache. Karim Debbache, c'est mon héros. En fait, Karim Debbache, il avait fait, donc vous pouvez le trouver sur YouTube, il avait fait en fait sur The Room, donc le film de Tommy Wiseau. Oui. C'est à mourir de rire, c'est excellent. Et du coup, il se retrouve 2 heures de perdu, ça me fait vraiment penser à ça. Et ce Karim Debbache, c'était bien plus vieux que ça. Et donc, du coup, je me dis, putain, c'est ce qu'on aurait pu avoir avec Karim Debbache. Et du coup, ça marche très bien. D'accord. Ah bah, à chaque fois que vous dites un truc, ça me fait envie. À Comics Discovery dit que leur son est génial. Je crois qu'Antoine est ingé son à la base. Et alors, c'est. Bah voilà. Non mais c'est un détail, mais c'est vrai que moi en voiture, bon bah moi c'est juste mon téléphone comme ça que je pose pour écouter les podcasts en conduisant. Bah c'est un des rares podcasts que je peux écouter vraiment, mais aucun problème. Un postier, c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va faire du bon son. Hein. Et c'est ce que j'ai dire, parce que moi je sais que en fait j'écoute énormément de podcasts parce que j'ai un peu plus entre 1h30 et 2h de voiture par jour pour le boulot. Ah. Et donc du coup. Moi, quand je prends un truc comme ça, ça me fait mes deux trajets. Puis, du coup, les podcasts, ça, je les consomme super vite. Et c'est clair qu'en termes de son, ils ont un son tip-top, quoi. Et okay. Ça fait la diff parce que c'est un truc qui est tout bête. C'est que quand je conduis, je raconte ma vie. Quand je conduis, je fais de la nationale, donc je suis pas non plus sur la route ultra clean. Et donc, quand on roule, on a le bruit de fond de la route, en fait, hein, sans qu'on se rende vraiment compte. Mmh. Et combien de fois je me retrouve avec des podcasts où, en fonction de la personne qui parle, je monte le son, je baisse le son. La personne, bah, elle fait les mêmes défauts que nous. Des fois, elle parle près du micro et des fois, elle parle en se reculant. Et du coup, ça fait des grosses vagues de son complètement inégales, alors que eux, ils ont une bonne ambiance, il n'y a pas de bruit parasite, c'est toujours au même niveau, pas besoin de toucher le volume. Ouais. Et ça fait vraiment la diff. Et quand, sur tous les podcasts que j'écoute, comme il y en a quand même beaucoup qui sont des podcasts pro, mais c'est vrai que le, enfin, ça fait un confort et c'est affolant. Quoi. Ah bah, c'est et intéressant fou. En plus. Hein. Ah oui, non, mais c'est la folie. C'est beaucoup de second degré. Il faut aussi voir que, comme tu dis, ils démontrent des films qu'on aime. Mais en fait, il faut aussi voir qu'ils jouent un peu leur rôle, entre guillemets. C'est-à-dire ils ont leur personnage à eux. Et ils démontrent le film avec leur personnage. Et c'est pour rester dans le personnage. Donc, ouais, on a des films qu'on aime bien qui se font défoncer à chaque fois. Mais on sent que c'est vraiment plus pour le côté bonne ambiance que le côté juste pour créer du débat, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des fois, tu vois, dans les commentaires en dessous de leurs comics, des gens qui les. De leurs comics, de leurs podcasts, des gens qui les insultent en disant ouais, vous êtes de mauvaise foi, comment vous osez dire ça sur ce film. Non, mais c'est fait exprès. Ouais. Il faut y aller avec du second degré. Si tu y vas en disant ouais, mais comment tu peux résumer un film en si peu de temps, bien sûr qu'il ne peut pas rester sur la planche Jack, sinon la planche, elle aurait coulé ou je ne sais quoi dans Titanic. Oui, mais c'est pour rire, il faut se détendre. C'est pour ça que je lui dis que c'est. Il dit ça par rapport à un personnage, pas pour créer le débat, quoi. Parce que sinon, il y a des gens qui vont plus se dire « Ah, oh, mais c'est du foutage de gueule !» Mais non, c'est... Oui. Mettez de côté l'a priori, il faut juste profiter du moment. Et je vois que Ludo Virdoz a retrouvé le titre pour l'émission de Karim Debbache, donc vous pouvez récupérer le titre dans le chat. Donc sans titre 010. Et c'est pareil, je vous conseille vraiment de le regarder. Je crois que l'émission, elle fait 1h, 1h30. Et c'est du plaisir en barre. Eh bien, merci. Et nous allons passer à la dernière geekerie de cette soirée. L'ultime geekerie. Préparez la dernière geekerie du round 5. Alors, oui, voilà. Bon, t'as pas une demi-heure non plus, hein. tu te calmes, hein. Mais tu vas nous parler, mon très cher SN, du Dr. Who. Who, pas Who, Who. Docteur Who. Wow. Pas où il est capable ouh, de si dire bordel. Comment tu dis? Docteur Who. Docteur Who. C'est ouh. Ça. Mm. C'est pas Who Let the Dogs Out. Who. Who. C'est pas ça. Tu vois. Bon, Docteur qui? Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors. Dis-nous. Wow. D'accord, ça commence comme ça. Très bien. Tu okay. Te calmes. C'est pour mettre alors. Un petit niveau de pression. Doctor Who, c'est une série de science-fiction anglaise de la BBC qui existe depuis 1963. Alors, épisode 1. Non, je vais pas vous faire un Le Seigneur des Anneaux où je fais chapitre 1, les Valar. Non, je vais pas faire. Donc du coup, c'est une série qui, comme vous voyez, existe depuis super longtemps. Ce qui veut dire qu'elle a connu plusieurs périodes. Je vous le fais très vite. En gros, en 89, la série s'est arrêtée avec le 7e Docteur. C'est le 7e acteur qui joue le personnage. Il y a eu un téléfilm en 1996 et la série a vraiment repris en 2005. Si jamais vous voulez commencer Doctor Who, commencez avec la série de 2005. C'est fait pour. Voilà. Donc si jamais, je vois que l'image est arrivée sur le truc. Donc tous les docteurs du haut, c'est les docteurs de la série classique. Oh, comme c'est bien organisé, putain. Je suis désolé, ça. Je te coupe, mais quand je te disais que tes vignettes, elles étaient magnifiques. Putain. Allez, vas-y. On lui a dit, fais un truc à la rage vite fait. Ah, mais il nous a fait un péplum. Non, bah voilà, je me suis amusé. Donc tout en haut, c'est la série classique. Le docteur du téléfilm, c'est celui qui est tout à droite en bas. Et tous les autres, c'est des docteurs, on va dire, de la série moderne. Voilà. Ok. Donc, le principe, c'était... je vais vous expliquer comment est né Doctor Who et comment il a évolué en devenant quelque chose d'autre. À la base, Doctor Who est une série qui est née pour combler un trou entre deux programmes. C'est comme ça qu'on crée les émissions de télé. Il y a un trou à combler dans la grille de programme, il faut le faire. Il faut que les gens continuent à être là du programme de musique au sport qui vient d'après. Donc il faut un truc qui puisse garder, qui soit familial, qui puisse attirer des adultes et des enfants. Du coup, on se dit, on va faire une série de science-fiction. Et comme il faut faire ça avec des enfants, comme il faut aussi que les enfants puissent regarder, on se dit, on va faire une série de science-fiction d'éducation. Ah oui, carrément. Ouais, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un personnage qui s'appelle le Docteur. Donc, il y a un côté un peu d'autorité et tout ça, et qui de base déjà une certaine aura, et qui va donc voyager à travers l'espace et le temps dans une machine à lui, et qui va être accompagné par certaines personnes. Et au début, il est accompagné par sa petite fille, c'est la petite fille du docteur, et deux professeurs. C'était pour aller avec le côté éducatif du show. Seulement, on a donné ça à des gens qui ne voulaient pas forcément faire de l'éducatif, et les scripts qu'on leur a donnés n'allaient pas forcément non plus dans le genre de l'éducation. Ce qui fait qu'en fait, très très vite, Doctor Who est devenu une série d'aventures. C'est-à-dire avec des cliffhangers à chaque fois, avec des gens qui sont dans des situations périlleuses, et on n'est pas là pour apprendre des trucs, quoi. Donc Doctor Who, c'est pas une série qui aurait dû vivre aussi longtemps. Très franchement. Je sais pas comment elle a fait pour survivre. C'est incroyable. C'est-à-dire que... à la base, en fait, la BBC donnait son accord... Déjà, elle était pas chaud pour le projet. Donnait son accord à chaque fois pour 13 épisodes à la fois. C'était à peu près un épisode toutes les semaines. Et c'était vraiment comme ça. Toutes les semaines, t'avais du Doctor Who. Donc 13 épisodes, ça va très vite, hein. C'est quelques mois. Ils ont eu le droit de faire une saison complète, c'est-à-dire on leur a dit des contrats à l'année, pratiquement 10 ans après le début de la série. C'est-à-dire qu'elle a vivoté en survivant de 13 épisodes en 13 épisodes en 13 épisodes pendant tout ce temps-là. C'est vous dire à quel point la BBC aimait pas Doctor Who. Par contre, les gens ont adoré Doctor Who. c'était pas non plus très bien parti, puisque le premier épisode est diffusé le lendemain de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Oui, c'est vrai que c'est pas top. Le 23 novembre 1963, donc c'est sûr que pour lancer une nouvelle série, ça marche pas des masses. Seulement, du coup, les producteurs ont un peu fait pression sur la BBC pour remettre l'épisode 1 avant la publication de l'épisode 2. Et ils vont surtout survivre avec la deuxième histoire. Il faut savoir qu'en fait, à l'époque, les histoires, c'était plusieurs épisodes de 25 minutes. Par exemple, la première histoire fait 4 épisodes. Voilà, c'était juste, on était là à suivre. Et il n'y avait pas vraiment de titre, en fait, pour les épisodes à chaque fois. Il n'y avait pas de titre pour les histoires, en fait. Il y avait des titres différents pour chaque épisode. Et donc, du coup, c'est avec la deuxième histoire qu'ils vont vraiment créer quelque chose. C'est avec les Daleks. Les Daleks, c'est des petits monstres en métal qui veulent exterminer tout le monde. Et c'est ça qui va vraiment frapper l'imaginaire anglais, surtout qu'ils sortent... Enfin, l'impact de la Seconde Guerre mondiale est toujours présent, donc c'est des nazis en conserve. C'est pour ça qu'ils se battent toujours le bras en l'air. Donc, le premier docteur, par contre, William Hartnell, en fait, est très malade. Il a fait 4 ans, mais il est très très malade. Il peut plus tenir. Il peut plus apprendre ses lignes. Il est voilà. Il est en fait les artères qui sont en train de se boucher. Pauvre homme. Du coup, il faut le remplacer, mais la série, elle marche super bien. Mais on peut pas faire Doctor Who sans Doctor Who. Alors du coup, on imagine un principe qui est la régénération. Oh merde, on t'a perdu. Il est en train de se régénérer. C'est ça. Qui ça? Tout le monde est là, c'est bon? Oui. D'accord. Il y a eu un petit. Je sais pas. C'est peut-être que chez moi. Il y a eu un petit. Non. Moi, j'ai eu une coupure, moi aussi. Ah, moi, j'ai pas entendu de coupure. Ça fait une coupure à peu près de quoi? Quel niveau? Une seconde, deux secondes, pas plus. Suffisamment pour faire flipper tout le monde. Régénérer. D'accord. Bah, en gros, ils vont inventer. Alors, depuis le début, si tu pouvais recommencer. T'étais en train de parler du système végan, en fait. Bah alors le docteur n'est jamais allé dans le système. Non. Tu sais pas. Oui, bah peut-être ça va peut-être arriver plus tard. Mais en tout cas, ils vont inventer cette technique, c'est la régénération, où en fait, du coup, on change d'acteur, et en fait, c'est comme si le docteur avait changé de vie. En fait, il a toujours son passé, son vécu, ses souvenirs, mais c'est un nouvel homme. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir une nouvelle tête, forcément, un nouveau corps, mais aussi une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre et de s'adapter. En bas à droite de l'image, c'est un sacré nouvel homme, hein. Eh oui. Évidemment. et donc, Ça avait fait beaucoup parler, ça aussi. C'est une, à cette occasion, je crois que j'avais entendu parler pour la première fois de Doctor Who. Tu peux sortir, s'il te plaît. Ah bah oui. On tente. Si on peut essayer de ramener des gens dans la secte, moi je suis toujours partant. C'est vrai. Donc en fait, c'est ce qui va donner pour moi l'un des points forts de Doctor Who, c'est-à-dire qu'en fait, le ton change régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous aimez pas Doctor Who à un moment donné, revenez quelques années après, ce sera quelque chose de totalement différent et vous allez peut-être kiffer. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, le troisième docteur que vous voyez, lui, il ne voyage pas dans le temps et dans l'espace. En fait, il est exilé sur Terre, bloqué, et il va vivre des aventures à la James Bond dans un groupe qui s'appelle UNIT, United Nations Intelligence Task Force, qui est en fait un groupe des Nations Unies pour combattre les extraterrestres qui vont sur Terre. C'est pour vous montrer à quel point les principes de Doctor Who peuvent être changeants. Mmh. Et très franchement, c'est une série extraordinaire pour justement tout ce qu'elle peut faire. Chaque histoire peut être différente. Chaque histoire peut se trouver littéralement n'importe où, dans le temps et dans l'espace. Donc on peut aussi bien tomber sur des pirates, la guerre de sécession, des extraterrestres... Ah mais carrément. Tout à fait. Là, tout ce que tu viens de dire a déjà été fait. D'accord. Voilà. Ça me fait penser du code Quantum, mais à plus grande échelle. À plus grande échelle, en fait, avec un personnage qui est aussi mystérieux. Comme le dit le titre, Docteur Qui. Et donc, du coup, t'as tout un truc où, en fait, l'idée, c'est de savoir qui est le docteur, en fait. Par exemple, on saura que le docteur est un extraterrestre qui vient de telle planète précise à la fin du second docteur. Du second docteur de la partie du haut ? De la partie du haut. Ah ouais, ok. Ce qui fait déjà 8 ans. Ok. Si tu veux. C'est vraiment un truc. Il y a les différentes incarnations du docteur vont jouer différemment. Il y en a un qui va être beaucoup plus manipulateur. Il y en a un qui va être beaucoup plus gentil, hein, beaucoup plus loufoque et excentrique. Il y en a un qui est littéralement, c'est un héros de film d'action. Tous les docteurs sont différents. Et très franchement, je vous conseille vraiment cette série. Elle est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils tiennent à peu près tous dans la main, là, cette espèce de stylo magique ? Alors, voilà, merci. Alors, c'est un outil du docteur qui va être amené avec vers la fin du second, début du troisième. C'est le tournevis sonique. D'accord. Le docteur est plutôt un pacifiste. Sa première réaction quand il y a du danger, c'est courir. Parce que pendant que tu cours, tu peux réfléchir. C'est toujours comme ça. Et donc, du coup, forcément, quand ils ont voulu lui donner une arme, c'est un tournevis. Et en fait, ça lui sert principalement à... En fait, c'est un tournevis sonique, donc ça peut envoyer des ondes sonores et tout ça. Ça lui sert principalement à ouvrir les portes rapidement et à allumer des trucs à distance. Voilà. Et les épisodes spéciaux, ils sont importants ou... Alors, par les épisodes spéciaux, qu'entends-tu ? Les épisodes de Noël ? Hors saison, en fait. J'ai vu ça qu'apparemment, il y avait pas mal de... Régulièrement, en fait, il y avait des épisodes spéciaux. Oui, dans la série moderne, il y a des épisodes spéciaux qui, en effet, sont généralement plutôt importants puisque c'est généralement dans ces épisodes-là, aujourd'hui, qu'on fait mourir le docteur. Ah, ok. Ah, il meurt. Donc, okay. Ça peut... Bah, il meurt et du coup, il redevient quelqu'un d'autre, en fait. Mm-hmm. Un autre acteur. Quel c'est ça. En fait, ça dépend, les épisodes de Noël aussi, c'est souvent des épisodes un peu spéciaux, c'est pas ceux... Si tu regardes, les derniers docteurs, à chaque fois, sont morts dans des épisodes de Noël. C'est assez rude au moment des fêtes, quand même. Ah bah oui, Joyeux Noël. C'est ça, t'as tous les fans de Doctor Who à Noël, ils sont là, ils font « putain, va !» Bon, alors après, tu t'es au courant quand même à l'avance, mais par exemple, le 10e docteur est mort dans un épisode de Noël. Le 11e docteur est mort dans un épisode de Noël. Le 12e docteur est mort dans un épisode de Noël. c'est lui qui pas les fêtes. Hein. Non, il aime plus Noël maintenant, le docteur. La dinde, elle passe pas. C'est ça. Mais donc, du coup, c'est une série qui, du coup, n'a pas beaucoup de budget. Comme vous en doutez, c'est la BBC, c'est-à-dire c'est les services publics. C'est comme si TF1, au lieu de vous faire Joséphine Ange Gardien, vous faisiez une super série de science-fiction. Bah, j'achète, hein. Franchement. Ouais. Bah, en même temps, c'est une super série de science-fiction. C'est une série de science-fiction. Pas super. C'est ça. Le vrai problème pour moi avec Joséphine Ange Gardien, c'est qu'il faudrait vraiment un lore qui puisse se retrouver d'épisode en épisode et ça pourrait peut-être devenir quelque chose. On va vraiment partir sur Joséphine Ange Gardien ? Non, mais non, ça peut nous emmener dans beaucoup de trucs, ce podcast. Vraiment. Même dans des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller. Et TF1, on n'avait pas envie d'y aller. Oh non. Et donc, du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup de budget. Donc, des fois, c'est un peu kitsch. C'est beaucoup mieux dans les épisodes de la série moderne. Peu près au niveau du 11e Docteur, on arrive vraiment sur une très bonne qualité d'effets spéciaux. Avant, ça passe très bien, mais il y a du kitsch. Mais voilà. Mais du coup, ça veut dire que l'important, ce n'est pas les effets spéciaux. On ne va pas te jouer sur la poudre aux yeux, on va te jouer sur le scénar. Mmh. Et sur l'ambiance et sur le jeu des acteurs. J'ai pas vu un acteur qui était un grand niveau dans Doctor Who qui joue pas à fond. Si tu veux que Doctor Who fonctionne, il faut des gens qui jouent à fond. Et ils ont tous fait ça. On a, comme vous voyez, une bonne tripotée de docteurs. Ils ont tous joué à fond, ils ont tous joué le jeu. C'est extraordinaire, rien que ça. Et t'as tout regardé, toi ? Ouais. Même les vieux, oui, j'en ai même pas mal en DVD, tout vous dire. Et oui, non, c'est une série qui est vachement bien, et même les vieux épisodes sont très très bien. Par exemple, le tout tout premier épisode, pas la toute toute première histoire, puisque la première histoire c'est 4 épisodes, mais le tout premier épisode, je le trouve toujours beaucoup plus moderne que bon nombre de séries d'aujourd'hui. L'histoire de cet épisode, c'est juste en fait des profs qui se rendent compte que la gamine qui est dans leur classe, elle sait des choses incroyables, genre par exemple elle peut te citer toute la chronologie de la Révolution française, mais tout dans l'ordre, et même des trucs qui sont super chauds, super pointus. Par contre, elle sait pas ce que c'est une livre sterling. Tu vois ? Et t'as plein de petits trucs comme ça, et du coup ils vont enquêter, ils vont voir qu'elle vit dans une décharge, que dans cette décharge il y a une cabine de police, et qu'en fait cette cabine de police bleue, eh bien c'est la machine à voyager dans le temps. D'accord. Et pourquoi elle ressemble à ça, cette machine à voyager dans le temps ? Tout simplement parce que il y a un petit principe en fait qui est normalement le circuit caméléon. C'est-à-dire que quand la machine à voyager dans le temps arrive à une époque, elle est censée devenir un objet de cette époque, histoire de se camoufler. Seulement, ce circuit, il s'est cassé à peu près au moment de ce premier épisode. Donc, à ce moment-là, les police box existaient en Angleterre. C'était des boîtes où, en fait, tu pouvais mettre un criminel ou quelqu'un que tu voyais faire un crime. En fait, tu pouvais le mettre dans la boîte et devant t'ouvrir, t'avais un téléphone pour appeler la police et la police arrivait, en fait. Et puis, le TARDIS, donc le nom de cette machine est maintenant beaucoup plus associée à Doctor Who qu'à la police. À un point que la police a fait un procès à la BBC au niveau des droits, et les juges ont dit « Non, mais maintenant, non, c'est Doctor Who. Vous fermez vos gueules. » D'accord. Et donc, Vanessa, toi aussi, tu es une amoureuse du Doctor Who. Ah bah, ça fait partie du concours quand tu veux devenir prof d'anglais. Hein. Tu es obligé d'avoir regardé Doctor Who. D'accord. Si tu te fais renier. Non, mais par contre, beaucoup moins quand même. Moi, j'ai commencé avec la série moderne, celle de 2005. J'ai pas vu ce avant. Moi aussi, j'ai commencé avec ça et c'est après coup que forcément j'ai rattrapé en fait. Et moi, en fait, c'était un collègue prof de français, mais qui était tellement fan. Et il me gavait à la machine à café à me parler toujours du docteur. Oh, il m'a saoulé. Donc à un moment donné, je fais faut quand même que je regarde quoi. Et ils étaient sur Netflix à ce moment-là. Ils y sont plus, hélas. Fait suer. Donc j'ai commencé à regarder donc avec le 10e et au début je fais ah ouais. Donc c'est ce truc avec ces gros bons. Quand le premier c'était dans le magasin là avec les mannequins si je me souviens bien. Ah. Le premier épisode de 2005. Bah du coup c'est un épisode de Noël. Celui où... Enfin, moi, je crois que c'était celui-là. Ah non, quand il rencontre Rose pour la première fois dans le grand magasin. Ah d'accord, avec Eccleston. Ouais, donc voilà, moi, c'était celui-là. Et je fais, ah ouais, quand même, mais c'est... C'est kitsch. Voilà, c'est kitsch. Puis après, je fais, bon, allez, tu peux pas rester sur un premier. L'histoire était quand même sympa, j'aimais bien Rose, je suis allée, on va regarder quand même le deuxième. Et puis après, tu regardes le troisième. Et puis bah, finalement, j'ai pas arrêté. Parce qu'en effet, il faut passer, comme tu le disais, par-dessus le côté effets spéciaux. Voilà, c'est pas du Star Trek, hein, il faut pas non plus... Mm. Par contre, il y a de l'histoire, il y a du jeu d'acteur, et puis le côté, ouais, ça remonte dans le temps et tout. Et puis après, bah, quand lui est parti, bah, comme je le disais sur le chat, t'as David Tennant qui est arrivé, et puis là, bah, c'était l'histoire d'amour, quoi. Bon, après David est parti, je me suis dit que je m'en remettrais jamais. Finalement, après le départ, il y a eu l'autre acteur dont je ne connais pas le nom. Matt Smith. Voilà. Et je me suis dit, non, mais bah, c'est pas David Tennant, mais il est pas mal non plus. Et pareil, après Matt Smith, je me suis dit, non, mais après sa mort, je peux pas m'en remettre, ils ont mis un vieux, je vais pas aimer. Ah, mais non, mais en fait, il est bien, le vieux. Ah, ils vont mettre une nana, je vais pas aimer. Ah, mais en fait, elle est bien, la nana. C'est ça qui est fort, en effet. C'est qu'à chaque fois que tu crois que tu n'aimeras pas le prochain docteur, il y a quelque chose qui fait que tu aimes le nouveau quand même. Parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous quelque chose. Même ouais. Si aucun nouveau David. Si tu l'aimes pas, au pire, tu sais que la saison suivante, dès que Noël approche... Après, ils font pas... Alors, c'est pas toutes les saisons, parce que David Tennant, il a fait quoi, 2-3 saisons ? 3 saisons. Ouais, c'est ça. Matt Smith, il en a fait aussi quelques-unes. Il dure plus d'un an quand même. C'est ça. En fait, c'est une... La légende veut que le deuxième docteur ait dit en fait à son successeur « Fais pas plus de 3 saisons ». Ce qui fait qu'en fait la plupart des docteurs n'ont jamais fait plus de 3 saisons. Et ben nous, il y a une légende qui dit qu'il faut pas faire plus de 2h30 sur notre podcast. j'ai vachement condensé. Non mais bah, t'as très bien condensé et en même temps, c'est incondensable un truc entre 63 et maintenant. Enfin, c'est totalement dingue. J'ai même pas parlé des à côté. Ah ouais, bah non, hein, écoute, faudra revenir. T'as pas parlé de quoi ? Des à côté, genre les comics ou les spin-offs en série. Si, mais ou comme des Comics Discovery, t'as pas parlé de Torchwood et compagnie. Ouais, non, désolé. J'avais une vidéo sur ta chaîne pour ça. Pour les comics de Torchwood. Pas encore. Bah, je l'ai vu. En préparation. Je l'ai vu, j'ai vu la miniature. Alors, j'ai montré une miniature dans le chat perso d'une vidéo en préparation. Bon. Après, sinon, j'ai déjà. Le mec spoil ses vidéos. Quoi. C'est ça. Non, mais de toute façon, c'est plus ou moins su que je fais des trucs sur Doctor Who. J'ai une émission qui s'appelle Who Story maintenant. Il y a un truc sur le Noël. Le Noël du 12e Docteur. Ah oui, ça, oui. Ça, c'était dans le calendrier de l'avant. Doctor Who, saison 1, épisode 1. Dis donc, je connais tes vidéos un petit peu quand même, hein. Bah oui, mais ça, celle-là, c'est sur la série télé, et j'en ai une autre sur les comics du premier Docteur. Et je compte faire une vidéo comme ça sur tous les comics des Docteurs. Mais je vais faire, comme ça va me prendre énormément de temps, parce que je suis en train de faire un scénar et tout, c'est... Pff, voilà. Ouais. J'aime bien me compliquer. C'est rien, c'est ton téléphone. Je vais faire d'ici très peu de temps une vidéo sur les bases pour commencer Doctor Who Comics. D'accord. Je peux poser la question piège juste, si tu as lequel c'est ton préféré à l'étude. Alors, moi c'est tous le docteur, donc je les aime tous. Oui, mais non. Par contre, si je dois dire une légère affection pour la façon si tu veux, résoudre les enfers et les enquêtes et tout ça, moi je vais dire le 7e docteur. Qui est donc celui qui est tout à gauche en haut. Le point d'interrogation et le petit chapeau. Voilà. Alors, le costume, c'est pas lui qui voulait, hein, c'est la production qui forçait. Alors, il paye pas de mine comme ça, sauf qu'en fait, c'est le Time Lord, c'est un seigneur du temps, c'est comme ça que c'est sa race, au docteur. C'est celui qui est le plus manipulateur et retors. C'est celui, en fait, quand un épisode qui commence, il a déjà 40 coups d'avance par rapport au méchant. Et voilà, et c'est celui où on essaye de te jouer le plus sur le côté mystérieux du docteur, sur le côté qu'est-ce qu'il était avant, est-ce que même limite c'est pas une figure mythologique sur sa planète. Eh bien, je sais pas, Dramout, tu connais un peu Doctor Who ? Non, je les ai pas regardés. Spider-Man non plus ? Non, mais c'est vrai que c'est une série que j'ai toujours voulu commencer, mais... J'ai vu qu'il y avait quelques saisons sur Amazon Prime, mais apparemment, d'après Jules, ça commencerait après David Tennant. C'est dommage. Ouais, Alors après, je pense qu'on peut prendre justement au niveau de Matt Smith, je pense que ça peut se faire. C'est parce qu'il y a eu un changement. C'est laquelle ? C'est le 11e. Et c'était normalement la saison 5. Saison 5 ? Ouais, parce qu'en fait, il y a eu un changement de showrunner, en fait, de celui qui dirige la série. Donc voilà, donc soit vraiment reprendre pour commencer, je parlais que de la série moderne, soit directement la saison 1, donc de la série moderne avec le 9e Docteur, soit la saison 5. C'est, je pense, le plus simple pour commencer. Bon, eh ben écoute. Toi qui as Amazon Prime, en plus, j'ai, du coup. Ouais, mais on va déjà finir la chasse aux nazis, hein. Est-ce qu'elle a déjà bien commencé ? Ils sont pas très longs, les épisodes, de mémoire. C'est quoi, c'est 40 minutes ? C'est ça. C'est, ouais. On est passé à 45 minutes en général. Ouais, puis il y a 13 épisodes, donc ça va, quoi. Oui, c'est pas des saisons hyper longues. On est plus sur quelque chose qui sort tous les mois. Enfin, toutes les semaines. On est plus là-dessus. Ça va. Parce que c'est vrai que maintenant les séries avec les saisons de 25 épisodes, c'est... il y a tellement de séries à regarder que c'est un peu chaud de se lancer là-dedans. Donc là, 13 épisodes, c'est bien. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup, parce que je pense pas qu'on aura beaucoup d'invités qui seront capables de venir nous parler du Doctor Who, très sincèrement. Ou du système Vega. Ou du système Vega. Ou de Persona. Ce qui fait de toi, mon très cher SN Parod, une personnalité atypique, mais plus qu'attachante. Et c'était un vrai plaisir que de t'inviter, vraiment. De rien, c'était super sympa d'être là. Tu reviens quand tu veux. Et voilà, vous savez, vu que je sais que vous nous suivez de temps en temps, on n'invite que des gens. Alors, si on ne vous a pas encore invité, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, hein, évidemment. Mais on invite vraiment que les gens qu'on aime beaucoup et pour qui on a une tendresse, une affection et de l'estime. Et c'était le cas pour tous les deux. Vanessa également, voilà, qui est encore et toujours, et pour quelques temps encore, la petite nouvelle de chez les GG Comics. Et c'est un véritable plaisir que de t'écouter dans ce podcast. Aux côtés des scènes et puis évidemment de toute l'équipe. Je vais essayer d'en placer une avec eux. Ouais, non, c'est compliqué, mais je confirme, c'est trop trop bien de t'avoir avec nous. Voilà. Merci. Mais ça se sent bien. Et en plus, c'était pas forcément. Ce n'est jamais évident, de toute façon, de passer derrière. Derrière quelqu'un d'autre. Derrière Sonia, moi. Derrière Sonia, il y avait le départ de Dragnir aussi. Et donc, forcément. Bah c'est pratiquement moi qui remplace Dragnir, c'est très chaud. Et ouais, chose. Mais il n'y a pas. En fait, on est les Doctor Who, tu vois, SN, on leur régénère. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de problème et vous le faites vraiment superbement bien. Et voilà, la relève est plus que bien assurée. Et je pense que voilà, ils peuvent être fiers de vous. Et en tout cas, ça se sent que vous vous amusez beaucoup. Et c'est vraiment extrêmement plaisant. Je crois qu'on va pouvoir se quitter sur ces bonnes paroles. Oui, il me semble. Oui. À moins que vous ayez un dernier mot de la fin, Dramout. Non. Spider-Man. Restez chez vous. Oui, voilà, restez chez lui. Il vaut mieux rien dire plutôt que dire ça, franchement. Moi, c'est plus original, finalement. Hein. Écoute, on t'a demandé de dire un mot, t'as dit non, alors chut. C'est un mot. Habitude, tu dis toujours un mot, lombrique ou un truc, tu vois. Et là, non, tu l'as pas dit. Écoutez, j'espère que vous êtes bien amusés avec nous, en tout cas. Bah oui. Oh bah putain, t'as pas l'air. Voilà, cool. Ça fait plaisir. Merci SN. Merci. Et moi, je savais pas parler à nous ou au chat, en fait. Ouais, voilà. Et puis moi, souvent, en fait, moi, j'attendais qu'on me demande un mot parce que moi, j'avais préparé Chiroptère. Ah oui, Chiroptère. Bien joué. Moi, j'avais Choucroute. Hein. Choucroute, c'est pas mal aussi. C'est... Bah non, il a pas demandé. Et ben, ouais. c'est pour ça que j'étais un peu déstabilisé, tu vois. Ça ne compte pas. Je suis désolé. Allez, un mot de la fin, SN. Chiroptère. Allez, je le valide. C'était la rubrique Geek Round 5. Je sais pas si on va revenir pour un Round 6. Je n'en sais rien. On est fatigué. Si. Allez, tel rôti. On est à bout. Sur le ring. Non, Adrien. Merde, j'avais préparé 10 cris d'avance, moi. Je le sens pas, Adrien. Je le sens pas. On a tout donné sur ces 5 derniers rounds. On ne sait plus de quoi vous parler. On va voir. On va en discuter avec Spider-Man et Dramout. Et on va voir si on revient pour un round 6 ou bien si on revient dans quelques temps, je sais pas encore. On va voir, on laisse planer le suspense. En même temps, voilà, on a envie de se laisser désirer. Après, voilà, si on vous manque dans deux jours, dites-le sur Twitter, Instagram, voilà. Allez-y, faites-nous rêver, dites-nous qu'on vous manque au bout de 2 jours et on reviendra peut-être, et puis voilà. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir été là ce soir, un grand merci au chat qui a répondu encore une fois présent. Effectivement, restez chez vous, faites attention à vous, prenez soin de vos proches, et on vous dit à très très bientôt dans la rubrique Geek, que ce soit pour un round 6 ou bien pour une émission normale ou une émission particulière, on reviendra de toute manière très bientôt, et on vous fait des gros bisous, et on vous dit... Salut. Salut. Salut.